J'aime bien ce titre. Le nouveau Don Diablo avec Steve Aoki, ça s'appelle What We Started à l'instant sur Fun Radio. Nouveauté, c'est bien pour attaquer, je trouve. Oui. C'est en douceur, c'est frais, c'est festif. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est quoi? Bah, c'est jeudi, c'est le 6 octobre, c'est le jour de la Saint-Bruno, les amis. Ah, bonne fête. Voilà, je dis pas ça pour le rappeler. Je dis ça pour souhaiter une bonne fête à Bruno Fonfred. C'est ça, ouais. Fonf, qui réalise cette émission. Merci, bonne fête à toi, Bruno. Et maintenant, avec Fonf, on va attendre de voir toutes les surprises que vous nous avez préparées jusqu'à 9h15. On a hâte. À mon avis, ça va être une émission spéciale. Très honnêtement, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, à mon avis, il va y avoir au moins de la danseuse brésilienne qui va arriver ici dans le studio. Moi, je suis parti là-dessus. Bien sûr. Ouais. Petit feu d'artifice sur la terrasse de Fun Radio. Ouais. C'est le minimum. Ça me paraît pas mal. Ensuite, des barman un peu Chip and Dale's qui viendront faire des shots enflammés, qui prépareront des coups balibrés, des trucs un peu qui font des Jaeger bombes, je pense. David Guetta qui va venir mixer, évidemment. Ah. Alors ça, j'étais pas sûr, mais si vraiment vous l'avez fait venir, bon bah écoute, voilà, c'est quoi. Rien que pour ça, je suis content de m'être levé ce matin, vraiment. Je pense qu'on va se débrouiller pour tout. Je dois avoir un vieux string dans le bureau. Je vais faire la stripteaseuse. Ouais. J'ai un bison 4 qui traîne pour le feu d'artifice. Je vais aller le faire péter sur la terrasse. Merci. Bon, on va se débrouiller, quoi. Mike Perry, Sean Frank ou encore Richard Orlinski. C'est ce qui arrive dans la première demi-heure de Bruno dans la radio. Puis vous appelez maintenant le 3228. On va jouer là, dans moins de 10 minutes. Tout ou gagné, tout ou perdu, il y a un overboard, des enceintes JBL Pulse à vous offrir qui sont waterproof. Il y a un casque DJ et la compile Bruno dans la radio. Le tout ou gagné, tout ou perdu, ça arrive là dans le prochain quart d'heure. On est chez vous après les news. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. L'actu de ce jeudi, 6 octobre, Maxime Poulaouec pour les infos, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo de ce jeudi, retour d'un temps agité dans le sud-ouest avec des nuages, de la pluie et des orages. La perturbation va se décaler au cours de la journée sur le golfe du Lion. Partout ailleurs, le soleil résistera mais le vent soufflera toujours sur la moitié nord. Il fait ce matin 4 à 8 degrés au nord, 10 à 14 au sud. Dans l'après-midi, prévoyez 14 à Lille, 15 à Clermont, 16 degrés seulement pour Paris, Lyon et Brest, 17 à Perpignan, 18 à Tarbes et 19 à Bordeaux. J-30, l'accord de Paris sur le climat entrera en vigueur dans 30 jours. Pour ce faire, il devait être ratifié par 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est chose faite depuis hier. L'accord de Paris vise à contenir le réchauffement sous 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Stop au tabac. Le ministère de la Santé lance aujourd'hui un défi aux fumeurs. Ne pas fumer pendant le mois de novembre. En association avec le collectif Moi sans tabac, en arrêtant de fumer pendant un mois, on multiplie par 5 ses chances de sevrage définitif. En libre service, à partir d'aujourd'hui, les collégiens et lycéens pourront lire gratuitement le journal dans leur établissement scolaire. La presse sera consultable sur la plateforme internet lirelactu.fr. Une quinzaine de journaux au total. La mesure entre dans le cadre du plan de lutte contre les théories du complot déployé par le ministère de l'Éducation nationale depuis les attentats de janvier 2015. Le burger dans trois quarts des restos de France, ses ventes ont été multipliées par 13 en 3 ans. Le cabinet Gira Conseil a donc décidé de mener une étude sur 780 restaurants. Le prix moyen du burger s'établit à 11,58 €. Et puis Fun Radio soutient le Pasteur Don, cancer, sida, Alzheimer. Les 1500 chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre. Ils se mobilisent au quotidien dans la recherche biomédicale. Vous pouvez les aider en faisant un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Il est 6h03, bon réveil sur Fun. Jeudi, c'est le 6 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h03, bonjour! Les amis, désolé, mais nous nous devons d'attaquer cette émission avec un breaking news et un point bébé de Vacher. Il est 6h04. Vacher que nous appelons en direct puisqu'à 4h du matin, il m'a envoyé un SMS me disant qu'il partait en urgence à la clinique. Nous sommes peut-être en ce 6 octobre, au jour J. Allô ? Vacher ? Ouais. Alors, d'aller. Est-ce qu'on peut savoir où tu te trouves, comment ça se passe? On veut tout savoir. Alors, je suis dans une salle de préparation, ça s'appelle, je crois, à la naissance. Ouais. Il y a une baignoire, donc il y a ma femme qui était dedans. Elle a plein de contractions. Là, par exemple, en ce moment, elle a une contraction, donc je vais m'éloigner d'elle parce que j'ai l'impression qu'elle va m'en foutre une à tout moment. Et voilà, elle était dans une baignoire, je dois relever son ventre. Je dois m'occuper d'elle comme un bébé pour l'instant. Je dois l'essuyer là parce qu'elle vient de sortir du bain. Attention, je précise. Ah ouais. elle est mouillée, donc voilà, je vais l'essuyer, je vais l'amener aux toilettes. Ouais. Et puis après, on va lui faire reprendre un bain, si elle est d'accord. Hein, Madame Rodriguez. D'accord. Bon, et c'est pour aujourd'hui, Vacher, ou pas? T'as plus de détails? Ah ben là oui, je pense, hein. On est dans une salle de naissance, ils l'ont étiqueté, elle a un bracelet, elle a la perfusion de poser. Les contractions sont vraiment vraiment fortes, quoi. Il y a un bébé qui va sortir apparemment. Vacher, je voudrais saluer cette classe de faire naître ton fils le jour de la Saint-Bruno. Ah, je t'en prie. L'escu jusqu'au bout, hein. T'auras vu. J'ai connu des gens suce-boule, Vacher, mais toi... Je dois t'avouer que tu amènes la suce-boulerie à un point jamais atteint. Avec grand plaisir. Bon, Vacher, tu nous tiens au courant, tu fais un gros bisou à Mariana. Ouais, mais je le passe pas parce qu'elle risque de dire des gros mots. Mais... Et puis surtout, t'oublies pas, on fait un périscope au moment où il sort. Voilà. Bien sûr, c'est prévu, un Facebook Live. Bon, on te fait des bisous, mon pote. Bisous. Gros bisous. Je suis excité comme si c'était moi. Pareil. Pourquoi elle prend des bains? Parce que ça détend, ça fait du bien, ça soulage en fait les contractions. Ah bon, d'accord. Ouais. Tu as déjà du mal à comprendre de les prendre pour se laver. Donc... Bon, c'était la breaking news du jour. Voilà, l'équipe de Bruno dans la radio n'est donc forcément pas au complet. Il y a Christina. Bah bonjour à tous. Hein. Il n'y a pas Vacher qui est en direct de la clinique, mais il y a Elliot. Bonjour. Et peut-être que si je me mets à sa place, je pourrais être un peu plus drôle, non? Non. D'ailleurs, Elliot, j'en profite pour te poser cette question à toi aussi. C'est prévu pour quand l'accouchement? Eh bien, écoute, avec toutes les équipes de techniciens pour cet accouchement exceptionnel, nous prévoyons ça dans un ou deux mois. D'accord. Le temps. Voilà. Bon, tant que tu te prépares. Voilà, exactement. Comme chaque matin, l'émission Bruno dans la radio appartient à un auditeur de Fun Radio. Et ce matin, c'est une auditrice, elle a 25 ans, elle habite à Lorient, on est dans le 56. Nous faisons l'émission aujourd'hui dans le Morbihan pour Orlan. Applaudissements pour Orlan. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour Orlan, comment ça va ma belle? Tu fais quoi dans la vie du côté de Lorient? Je suis actuellement en arrêt maladie. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave, j'espère. J'attends un petit bébé. C'est rigolo d'appeler un arrêt maladie quand t'attends un enfant. Ouais, c'est plutôt un congé maternité d'ailleurs. C'est avant le congé maternité T'es du genre à essayer de ziber en disant au bout du deuxième mois de grossesse, oh, je me sens pas bien. Ah mais il y a des femmes à qui ça arrive. Ça c'est chiant. Ouais, c'est le regard du patron là qui est parti. Orlan, ça va être un garçon ou une fille? Eh ben surprise. Ah putain, tu fais partie de la team de Je veux pas savoir. Exactement. Oh, je sais pas comment vous faites. Et si c'est un labrador, et comment vous êtes équipé? Voilà, je crois qu'il quitte. Bon, Orlan. Oui. En arrivant ce matin sur Fun Radio, tu es l'atelier de l'émission jusqu'à 9h15. Et en plus, tu as le droit à la question du jour. La question que tu poses à un des membres de l'équipe. Qui tu choisis pour poser ta question? Christina. Ah, d'accord. Question à ma Christina. Chérie. Alors, pour moi, demain, imaginons, j'espère pas, hein, mais imaginons ton appart est en feu. D'accord, c'est pas très cool. Non, c'est pas cool du tout, mais quel unique objet t'as envie de sauver? L'unique objet que j'ai envie de sauver dans mon appart? Tu retournes et tu peux prendre qu'un objet, qu'est-ce que tu prends? Ah bah le doudou de ma fille, hein. Bah sans hésiter, hein. Le reste je m'en fous, ça se rachète, mais le doudou de ma fille, c'est compliqué. Je peux comprendre, ce serait quoi toi Orlan? Moi, ce serait quoi mon téléphone portable? Téléphone portable, ce serait quoi, toi, Elliot? Bah, ce serait ma meuf. On peut la sauver. On va en parler un objet. C'est pas un objet. Oh, non, ce serait mon ordinateur, bien évidemment. Il y a toute ma vie dedans. Ordinateur. Ouais, mais ordinateur, téléphone, tout ça, tu peux racheter, tu vois. Ouais, mais ordinateur. Je sais pas ce que tu fais avec ton téléphone, Orlan, ou alors tu nous appelles d'une falaise, mais il y a du vent dans ton téléphone, c'est insupportable. Ouais, je crois que ce serait. L'ordinateur, le truc, c'est qu'il y a les photos et tout dessus. Tu vois, t'as envie de conserver des souvenirs. Oui, mais t'as l'iCloud aujourd'hui, t'as toutes tes photos dessus, hein. Tu t'en fous de ça. Ah ouais, j'ai pas pensé à l'iCloud. Trucs plus sentimentaux, tu vois, des trucs qui comptent vraiment. Même si ça vaut rien. Ce serait compliqué. Vraiment un seul objet. Un seul. Qu'est-ce que tu veux prendre à part ça? On s'en fout. Le reste, la télé, tu peux tout racheter. Tu peux tout racheter. Il y a que l'ordi. Moi, j'ai une photo de mon grand-père et de mon oncle où je conduis un avion avec eux et tout. Genre un super photomontage. Ça, je veux le garder à vie. Moi, je sais pas. Peut-être des BD. J'ai des originaux de Tintin, de Hergé, des livres de collection maintenant aujourd'hui. Peut-être que je prendrais ça, je crois. Ah oui, bah surtout, ça doit valoir cher, ouais, non? Ouais, je prendrais ça peut-être. Je pense que ce serait ça. Orlan! Oui! Ça te va comme réponse, ma chérie? Ça me va très bien. On te fait des bisous, passe une belle journée. Bisous! Tiens, et on peut vous poser ça comme question à vous. 32-28 pour faire de la radio ensemble. Vous avez la possibilité de sauver un seul truc, là maintenant, dans votre appart, dans votre maison, vous sauvez quoi? Un seul objet, hein, bien sûr. 32-28, on fait de la radio ensemble. C'est le numéro aussi que vous composez pour jouer avec nous. Le toto gagné, toto perdu arrive après Mike Perry. You can be my guiding light. Keep me. Company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe. I let you in. Keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get. Mike Perry, présent sur la compile Bruno dans la radio, là dans les bacs, depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Mike Perry, The Ocean. Nouveauté Fun Radio, ça s'appelle Sean Frank. Let You Get Away, ça arrive là sur Fun. On va jouer dans moins de 2 minutes, tout gagné, tout perdu qui s'annonce, mais juste avant. La planète People tourne à toute vitesse. Et Christina est là avec nous tous les matins pour l'arrêter quand il le faut, pour vous donner l'actu People en temps réel. Ça s'est passé hier soir, c'était l'inauguration de la statue de cire de Kev Adams. Oui, c'était au musée Grévin à Paris. C'est vrai que c'est une consécration, il a quand même seulement 25 ans, c'est beau. Bon, pour l'inauguration, en tout cas, le comédien avait choisi cette chanson. Je ne vis que pour ça, Montréal à Paris, j'irai au bout. C'était une chanson de Corneille, si vous vous souvenez, Rêve de star, parce qu'il a dit que ça le faisait rêver petit. Donc voilà, il était très ému, il a fait un discours hyper émouvant. Et pour le résultat de la statue, je vous la balance sur la page Facebook Bruno dans la radio. Moi, je trouve ça moyen. Mais bon, après, c'est que mon avis. Alors, il y a un délire. Moi, je veux pas mettre le personnel du musée Grévin à dos, mais force est de constater que la plupart des statues qu'il y a au musée Grévin, heureusement que le nom est écrit dessus. Parce que moi, je me souviens, il y a des gars, je ne savais même pas qui c'était. Tu vois, autant il y a un musée à Londres qui s'appelle le musée de Madame Tussaud, qui est vraiment la référence des musées de cire, qui est juste une tuerie, où moi je me suis fait avoir avec des faux personnages en me disant putain c'est le vrai. Autant à Paris c'est quand même compliqué. Ça hein, dépend, ça dépend. Les récentes sont plus réussies, ouais. Mais bon, celle de Kev Adams, c'est un concept. J'ai parlé de vieux dos, mais époque équipe de France 98, celle qui a gagné la Coupe du Monde, ils avaient mis Fabien Barthez et Zinedine Zidane. Bah mec, on aurait dit en fait que c'était Bruce Willis. ça n'avait strictement rien à voir. Oui, Elliot. Mais on dit souvent que je ressemble à Kev Adams. Finalement, est-ce que j'aurais pas ma statue au musée Grévin si elle est un peu loupée? Beaucoup trop de budget en termes de cire. Ah merde, trop compliqué. Tant pis. Oui. Tout gagné, tout perdu de ce matin, c'est Alexis qui va jouer avec nous. Il a brillé, c'est dans le 54, Meurthe et Moselle ce matin. Applaudissements pour Alexis. Ouais. Salut Bruno, salut la famille. Salut Alexis. Salut Alexis. Tu prends le boulot à quelle heure ce matin? Bon, voilà, je suis en route là, 7h, ça commence. 7h, oui, bah, très bien, ça nous laisse le temps de jouer. Oui. Tu viens de gagner un overboard. Oui, c'est le principe du tout ou gagné, tout ou perdu. Sans même jouer, t'as déjà gagné. Un overboard. Plus des enceintes JBL Pulse. Plus ton casque DJ. Plus la compile Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux sont à toi, Alexis. Nous sommes d'accord? Super. Mais pour les garder, il va falloir que tu répondes correctement à quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti. L'apopatophobie, c'est la peur du pape. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais dire vrai, je pense. Eh non. Ah, la peur du pape, c'est une peur qui se soigne assez facilement, parce que globalement, c'est pas un gars que tu croises très souvent. Non, c'est clair. Des papes, il n'y en a pas 60, quoi, tu vois. Non, c'est la peur d'aller aux toilettes. Quand t'es apopatophobe, ça veut dire que t'as peur d'aller faire le pipi ou la grosse commission. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est assez angoissant. Là par contre, c'est une peur qui est assez chiante, très honnêtement. Oui, ouais. C'est le cas de le dire. Tu viens de perdre l'overboard, tu joues pour l'enceinte, le casque et la compile. Troisième question. Deuxième, pardon. L'éléphant mange en moyenne 200 kilos de végétaux par jour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dire vrai. C'est un budget. C'est énorme. Ouais. Si jamais vous voulez adopter un éléphant, c'est un peu galère. 200 kilos de légumes, faut quand même pouvoir les gérer au quotidien. Tu gardes l'enceinte, le casque et la compile. Troisième question. Le pays qui héberge le plus de sites pornographiques au monde, c'est la France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh bah oui, vrai. Bah non. Oh. Dommage, il y en a 5 millions, bah dommage. De toute façon, le net a accès à tous les pays. Mais en France, il y en a 5 millions. Aux États-Unis, il y en a 428 millions. C'est eux qui ont le record. Wow. Ah ouais. Et en Arabie Saoudite, bah, il n'y en a pas. tu viens de perdre l'enceinte. Tu joues pour le casque et la compile. Bruno dans la radio, dernière question. Le surnom de poulet qu'on donne aux policiers vient du fait que la caserne de police de Paris était bâtie sur l'ancien marché aux volailles. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Et vous savez quoi? Je l'apprends. C'est ça qui est bien dans tout le tout gagné, tout ou perdu, c'est que des fois on apprend des choses. Ça vient de là, ouais. Le premier commissariat était construit sur un ancien marché de volailles. Du coup, c'était les poulets qui débarquaient. C'est énorme. C'est classe. Tu repars avec l'enceinte et la compile, Bruno, dans la radio. Ah, c'est super, merci. Merci la famille. Tu repars avec le casque, pardon, et la compile, Bruno, dans la radio. Que tu vas pouvoir écouter tout seul dans ton coin. Bon courage pour ta journée de boulot, Alexis. Merci, bonne journée à vous. Je te pose la question qu'on a posée à l'antenne là tout à l'heure. Si jamais ta maison prend feu, je te le souhaite pas, mais imaginons, t'as une seule chose que tu peux sauver, un seul objet, c'est quoi? Je dirais mes albums photos. Ouais, album photo, mais je te dis, ouais, tu vois, le truc de souvenir, c'est un côté important. On t'embrasse, mon pote. Merci, bisous la famille. Bisous. Ça, c'est une nouveauté Fun Radio. Sean Frank, Let You Get Away. C'est tout de suite, il est 6h18. Bonjour. Every time you fuck up, I will find an excuse to forgive you. And every time that you're good, I forget all the hurt and redeem you. And I don't know what I've been chasing. Caught feelings now. put up with my message unread. You're probably with your friends or some shit. Then you come and crawl into bed. Behind our wandering eyes, the loosens always coming untied. While I'm hanging by threads, will I miss out instead on another love? I put up with your cold shoulders. You're going through my text and numbers as if I got something to cover. And I let you, I let you get away, away, away. Let you get away, away, away. I let you get away. C'est bien, c'est à Sean Frank. Let You Get Away sur Fun Radio. Sean Frank, c'est qui? C'est Fonf qui s'occupe de la musique ici dans l'émission. On en connaît un peu plus sur le pédigré de la personne. Non. D'accord, très bien. D'accord. Mais il est hyper sympa. Ouais. Alors, ben, c'est une voix de femme quand même. Donc. Non, mais le DJ. Ah, c'est le DJ Sean Frank. Ouais, d'accord. Mais la femme s'appelle comment? Sean Françoise. Ça, Sean Françoise. Sa femme. Voilà. Il est canadien. Et il est canadien. Mais ça s'entend sur l'accent. Il est résident à Toronto. Il a de nombreuses collaborations avec des artistes. Alors, ça, c'est que t'essayes l'accent québécois. Alors que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un accent. Ouais, mais alors, c'est quoi? Bah, il est aussi pourri que les autres, en fait. C'est fou, hein. C'était mon grand retour pourtant dans le musical. Et bah, écoute, c'est marrant parce que t'as ce don de rater tous les accents que tu tentes. Richard Orlinski, ça arrive avec Eva Simons dans quelques secondes. Heartbeat. Et puis alors, j'ai besoin de filles au 32-28 pour le chiffre du jour. 56%, c'est le chiffre du jour. 56% des femmes trouvent que les hommes sont plus attirants sur leur photo de profil quand ils font quelque chose de bien spécial. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Quand ils sont en train de peindre. Alors, c'est pas très fréquent. Mais moi, j'avoue que ce genre de photo, ça m'excite assez. Voilà. Quand ils sont en train de peindre, mais tu parles de quoi? De peinture en bâtiment ou de peintre, genre l'artiste maudit? Toutes les peintures. D'accord, très bien. Ouais. Carina du JPI. Moi, je dirais c'est plus quand ils sont en train de faire la fête. Tu sais, genre une photo de profil avec un verre à la main, des potes et tout machin. Mais en mode un peu bourlard ou en mode chic, hein? fête un peu chic. Oh, un peu bourlard, hein, pour moi, tu me connais. Oui, bah, je te connais bien. Tiens, Amélie, au standard, on l'entend pas souvent, Amélie. Amélie, bonjour ma chérie. D'après toi, c'est quoi toi qui te séduit le plus, que tu trouves attirant chez un garçon en photo de profil Facebook? Avec des animaux, un chapeau. Quoi? Ah, quand il tient un animal? Oui, c'est trop mignon. Elle est chelou. Et quoi comme genre d'animal? Un chaton. Un chat, super. Pourtant, j'ai recruté cette équipe, j'ai fait gaffe à ce genre de choses. Ah oui, mais les chatons, tu peux pas tester, Bruno. Meryl, du web, ma chérie, qu'est-ce qui rend un mec attirant sur une photo de profil? Quand ils font de la moto? Ah, là, c'est bon. Ça y est, elle est dans un délire motard en ce moment, blouson de cuir. Chagasse. 6h23, c'est Fun Radio. Il n'y a que vous, votre vaisseau, Fun. Votre équipage. Bruno. 3, 2, 1. Accrochez-vous! Ignition. Bruno dans la radio. 6h, 9h sur Fun Radio. C'est un nouveau jingle, c'est ouais, c'est notre producteur ouais. Pierre qui a voulu tenter un truc. Voilà, bah, il est 9h30, quoi. Bonne fin d'émission à tous, c'était cool. Alors, le gars maintenant fait il des. Il s'est fait plaisir. Ouais, il fait des jingles, il est parti dans un délire. C'est-à-dire que c'est plus des jingles, le gars s'est lancé dans des films, en fait. Des jingles qui durent 14 minutes. Bon, je vous ai posé cette question tout à l'heure, ou plutôt c'est Orlane, l'auditrice du jour, là, qui disait voilà, si y a le feu chez toi, Christina, qu'est-ce que tu sauves en premier ? C'est vrai que c'est le genre de truc à la con, ça arrive, il n'y a qu'un seul objet, t'as le droit de le prendre. Toi t'as choisi... Le doudou de ma fille. Le doudou de ta fille. Elliot, il a choisi son ordinateur. Oui. On va voir avec tous ceux-là qu'on a appelé le 3228. Léa qui est à Saint-Étienne. Bonjour Léa. Bonjour la famille. Bonjour. Tu sauves quoi toi en premier ? Moi je sauverais ma poupée japonaise. Chaudasse. Pourquoi, pourquoi ta poupée japonaise ? Parce que c'est un ami à ma marraine qui me l'a ramené, qui est japonais, qui me l'a ramené spécialement du Japon parce qu'il sait que j'adore ça. Et pour moi, elle a une valeur énorme. D'accord, oui, c'est valeur sentimentale. Bien sûr. Je crois que ça passe avant la valeur de thune, quoi. Ah tu oui, vois. Tu t'en fous le reste. Léa, écoute, je te fais un bisou à toi et à ta poupée japonaise. Merci. Je t'embrasse. Alicia à Bourg-en-Bresse qui a 19 ans. Bonjour Alicia. Bonjour la famille. Salut. Bonjour. Tu sauves quoi en premier, toi, dans ta maison ? Moi, c'est mon vélo que je sauve. Ah bon ? Mais pour quel motif ? Parce que je suis fan de vélo, je suis une cycliste et voilà. D'accord. Est-ce que, comme tous les gens qui font du vélo, enfin j'en connais, t'as un vélo qui coûte la peau du cul ? Un petit peu, moins de 1000 euros, mais pas loin. Ah putain, c'est cher. Cher hein. Fonf, il coûte combien ton vélo, toi ? 2000. Ouais, putain, 2000 balles dans un vélo, ça me ferait mal au yonf, les amis, mais d'une force. Alicia, je peux comprendre, je te fais des bisous, ma belle. Oui, Elliot. Surtout pour acheter un truc sans moteur, quoi. À 2000 euros, j'espère que tu te casses pas le cul à pédaler, quoi. C'est vrai, c'est ça. Sans déconner, franchement. Tu vois, le mien, je l'ai payé 600 balles, mais c'est un vélo avec une petite assistance électrique, quand même. Tu vois. Ouais, mais c'est pas le même plaisir. Ruben, il a 17 ans, il est à Montreuil. Salut, Ruben. Salut Bruno, salut la famille. J'adore salut. Ton prénom Ruben, voilà je te le dis, c'est logé comme ça. Ruben, ouais. Y a le feu dans l'appart, tu sauves quoi ? Bon, au début moi je pensais à sauver mes clés, mais ça sert à rien vu que la maison a brûlé. Bah ouais, c'est vrai. Donc, pas con. Donc, moi je sauverais mon disque dur. Bah disque dur parce que dessus t'as tes photos, t'as tes vidéos, t'as toute ta vie quoi. Bah forcément il y a tout enregistré dedans, donc si ça brûle c'est un peu chiant quoi. Ouais, je peux comprendre. Et ce que je vous disais, mettez tout sur le cloud, les disques durs ça casse aussi. Ouais, non, mais j'ai aucune confiance dans le cloud comme tu l'appelles. Elle est la magique. Je te fais des bisous mon pote. Regarde toutes les photos qu'on pu fuiter sur le cloud. Oh, ouais bah c'est pas grave, moi je fais pas de sextape hein. Ouais, oh, fais attention. Ouais, mais parle pour toi, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. T'en fais toi Bruno des sextapes ? Ah non, jamais. Non. Non, non, l'écran est pas assez grand. Voici Richard Orlinski sur Fun Radio. Where is all this going? I don't wanna hold back. I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be. Where there's a heartbeat sound. Where there's a heartbeat sound. Where there's a heartbeat sound. Just a night, we'll make it till the sunrise. Beaming like a heart of gold. Warm me up or break, I need a hand to take right now. Really? Justin Bieber. C'est ce qui arrive sur Fun Radio. Let Me Love You et le chiffre du jour après les news. Bienvenue sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris, and this is my song. At least I did it my way. The Weeknd et Daft Punk. Fun. WNW. Zack Noël et Sean Paul. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. C'est déjà l'automne. C'est déjà l'hiver. Chaussures et accessoires Nero Giardi. Le made in Italy. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Pour soutenir ce combat, pour soutenir leur rage de vaincre, avec Fun Radio, soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus préappel. Bougez pas, Bruno. J'ai envie de me chauffer sur un battle du grenier. Je préfère vous prévenir avant 7h du matin, je viens de retomber sur un dos qui a 1243 ans. Donc il faut que quelqu'un de l'équipe vienne avec un titre, on se fait un battle du grenier là juste avant 7h. Fun Radio. Le son Dance Floor. Jeudi 6 octobre, le point sur l'actu là de ce jeudi matin avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et on démarre par la météo. Une belle journée de soleil sur les trois quarts du pays. En revanche, le temps tournera à l'orage dans le sud-ouest jusqu'au golfe du Lion. Le vent soufflera toujours sur la moitié nord. Il fait sur ces régions 4 à 8 degrés alors que le mercure peut déjà atteindre 14 près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, prévoyez 15 à 17 jusqu'à 19 au sud. La lutte contre le réchauffement climatique s'accélère. L'accord de Paris entrera en vigueur dans 30 jours. Il fallait qu'il soit ratifié par 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Une rapidité inédite moins d'un an après son adoption. L'accord de Paris vise à contenir le réchauffement sous 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. La Floride et la Caroline du Sud en alerte. L'ouragan Matthew se dirige vers les États-Unis et devrait toucher le pays dans 24 heures. Il a fait beaucoup de dégâts sur son passage dans les Caraïbes. Au moins 14 morts, dont 10 en Haïti. Haïti, où les élections présidentielles et législatives prévues dimanche ont été reportées. 4 gendarmes blessés en Corse, un rassemblement de nationalistes a dégénéré hier à Bastia. Des dizaines de jeunes dénonçaient les réquisitions du ministère public contre 3 de leurs camarades jugés à Paris. Certains cagoulés ont jeté des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu d'interpellation. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a condamné ces violences avec la plus grande fermeté. 15 millions de fumeurs en France. Le ministère de la Santé lancera en novembre un mois sans tabac. Un défi symbolique, un mois sans cigarette permet de multiplier par 5 ses chances d'arrêter de fumer. Et puis sida, cancer, Parkinson, la 10e édition du Pasteur Don commence aujourd'hui et pour 3 jours. Fun Radio soutient cet événement alors que 1500 chercheurs se mobilisent au quotidien dans la recherche biomédicale. Pour les aider, vous pouvez faire un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Il est 6h33, bienvenue sur Fun Radio, on retrouve toute l'équipe de Bruno. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Bonjour la famille, jeudi c'est le 6 octobre, c'est Fun Radio, c'est DJ Snake qui arrive dans quelques secondes. Le son dance floor de Fun Radio, Let Me Love You. Let Me Love You. Et Sound of Legend. Bon, j'ai envie de me faire un petit battle du grenier, là, avant 7h du matin. Principe de la battle du grenier, je choisis un vieux titre, quelqu'un de l'équipe choisit un vieux titre, et vous, auditeurs de Fun Radio, vous votez sur les réseaux sociaux, facebook.com/Bruno dans la radio, ou Twitter avec le hashtag Bruno Fun Radio, pour nous dire lequel vieux titre vous voulez écouter avant 7h du matin. Alors, c'est qui aujourd'hui? Moi, je suis parti loin de chez loin. Ouais, t'es parti très très loin. Là, mais tu vois loin. Ouais. J'ai passé loin. Après, j'ai marché. Ouais. Arrivé à très loin, avant très loin, je me suis dit, bon, allez, je m'arrête là. Tu t'arrêtes là? Et donc, on est en 82, je crois, de mémoire. Oh là. Donc, ah oui, on est sur du vieux, vieux dos. Moi, je vous ressors ça. On est sur du son dance floor, mais à l'ancienne, ambiance funk des années 80. Ça va, ça groove un peu quand même. On est en 84 exactement. Cool and the Gang, She's Fresh. Vous voulez écouter ce dos, hop, vous likez Cool and the Gang, She's Fresh sur la page Facebook de l'émission. Qui m'affronte ? Alors moi, c'est un peu plus récent, ça a pile poil 10 ans. C'est toi, Christina ? Ouais. C'est quoi ? C'est Nelly Furtado avec Mad Eater. Ah, c'était bien, c'est ça. Je sais pas si je le dis bien. Mad Eater. J'aimais bien ça. Assez serré, tu vois, mais c'est pas mal. J'aime aucun des deux. Bon, il y en a un que vous voulez écouter, bah, vous votez là, facebook.com/Bruno dans la radio ou avec le hashtag Bruno Fun Radio. On aura au 3228 tout à l'heure Cindy. Elle s'est manifestée là au 3228. Cindy, elle est de Châteauroux. Elle a réalisé le rêve de ses parents. Ça, c'est un truc classe quand t'arrives à faire ce truc. C'est quoi ? Et je crois qu'elle a besoin de nous d'ailleurs. Et ben, on l'aura en direct là dans moins d'un quart d'heure sur Fun. Et bon, c'est le chiffre du jour. Mais pour l'instant, le chiffre de ce jeudi matin et cette question que je vous posais, 56% des femmes trouvent que les hommes sont plus attirants sur leur photo de profil quand il faut quelque chose de bien spécial. D'après vous, qu'est-ce que c'est, Elliot ? Est-ce que c'est pas quand ils mettent un Marcel, qu'ils sont beaux gosses ? Ah ça, ouais, ça dépend, mais hein. Ça faut être gaulé, parce que franchement, le Marcel, c'est, ça peut être traître aussi. Ouais, c'est le Marcel, que... ça va pas tout le monde. C'est tout ou rien, soit ça fait sportif, soit ça fait maçon, quoi. Genre, c'est un des deux, quoi. Ouais, non, c'est souvent rien, on va pas se mentir. Si t'as pas les tablettes de chocolat, si t'as pas le six-pack, si t'as pas les muscles, le Marcel, t'es tout de suite un vieux blaireau. Et si vraiment. T'es pas bronzé en plus, c'est pareil. Ouais. Alors, non, j'ai essayé une fois, très mauvaise expérience. C'est soit cocktail de prod, soit Cronenbourg, quoi. C'est ça. Mélissa au Taillon-Médoc. Bonjour Mélissa. Salut la famille. Salut. Ma chérie, j'ai cette question à te poser. Est-ce qu'il y a sur une photo de profil de garçon quelque chose que tu trouves très attirant? Quand ils ont un enfant avec eux sur la photo, ça me fait totalement craquer. Ah oui ? Mais ça veut dire qu'il est forcément papa alors du coup. Oui, mais je trouve ça craquant. D'accord. Et ça veut dire qu'il est peut-être marié aussi. Oui, mais après... Oui, on s'en rend. Juste regarder. C'est juste la photo. Et dis donc, elle est là, ma briseuse de ménage. T'es maquée ou pas, Mélissa ? Oui. D'accord. Et donc, si ton mec poste une photo avec un enfant, ça te chauffe ? Je trouve ça mignon, oui. D'accord, tu trouves ça mignon. Très bien. Mais je te fais les bisous, Mélissa. Oui, Elliot ? Ou dernier truc, ça veut peut-être dire qu'il est tueur en série. Et là, faut se méfier, quoi. Un homme avec un enfant, parfois, bon, on sait jamais, quoi. Faut que tu arrêtes de regarder des films et des émissions un peu chelous, Elliot. Ouais, c'est ça. Vachy, il aurait fait la même blague, t'aurais rigolé, je suis sûr. Kelly, à 14 ans, elle est à Carrière sous Poissy. Salut, Kelly. Hello, Bruno, hello, l'équipe. Bonjour, ma chérie. Alors, à 14 ans, qu'est-ce qui te chauffe, toi, sur une photo de profil de garçon ? Alors qu'un garçon, il se mord la lèvre. Oh, ah, je le fais. Ah, ouais. Bon, ouais. Mais personne pose comme ça. Non, c'est ridicule. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, mais en général, mais c'est Kelly... genre un petit truc de plus, en fait. Comme regarde là. Mais je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule. Et Elliot qui est en train de faire le comme ça, regarde, de beau gosse. Non, ça honnêtement, Kelly, c'est vraiment le délire... C'est un truc à la Cristiano Ronaldo un peu, je trouve. Ouais, exactement. Il faut absolument snapper ça sur le compte Bruno Fun Radio. Ouais, Elliot qui fait cette grimace. Je le fais parfois quand je danse avec une nana le rock en boîte, je la fais tourner et quand je la récupère, hop, comme ça, je me mords la lèvre et pouf, ça Elliot fait mouche. Elliot est censé être le plus jeune de cette équipe et Elliot danse donc le rock. Mais non, mais faites-moi confiance, faites tourner une ou deux fois la nana, ça fait mouche à chaque fois. Elliot danse le rock en boîte, les amis. Ce sera la nouveauté de la journée. Kelly, ma chérie, je t'embrasse. Tu commences les cours à quelle heure ? 8h30. Et c'est quoi le premier ce matin ? Art plastique. Oh, ça va. Oh, ça va, c'est cool. Ouais, ça va. C'est, ouais, autant dire, c'est une heure de repos supplémentaire. On te fait des bisous, Kali. 56% des femmes trouvent les hommes plus attirants lorsqu'ils jouent d'un instrument de musique sur leur photo de profil. Ah, bah évidemment. Après, c'est pareil, ça dépend de quel instrument. Une guitare, c'est cool. Un triangle, c'est moins cool, quoi, tu vois. Oh, la photo de punk à chiant, là. Voilà, allez hop, avec les cheveux mal coiffés. Et un didgeridoo. Avec un didgeridoo, là. punk à chien qui se retrouve sur une place de village à lancer des bolas enflammées pour prendre 10 balles. C'est ça que vous voulez en photo de profil? Oui. Et ben moi je préfère un gars avec les yeux bleus, une coupe militaire, voilà. Et un pantalon kaki. C'est avec ça qu'on va sauver la France. Bordel de merde. 6h39. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You, c'est tout de suite et c'est sur Fun Radio. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. C'est Fun Radio. Jeudi 6 octobre. Sound of Legend qui arrive. Ça va arriver là dans moins de 10 minutes. Et puis on a lancé une petite battle du grenier ce matin avec Christina. Petite battle du grenier, c'est un vieux titre qu'on va vous passer avant 7h. Moi je l'ai joué très vintage 1984 ce matin. C'est Papy Bruno. Cool and the Gang. She's fresh. Si vous êtes en train de relever la tête, c'est que vous êtes quarantenaire, les amis. Cherchez pas. Mais hey, je sais que, tu vois, des mecs comme DJ Abdel qui mixent en boîte que des titres de fun comme ça des années 80, les mecs de 14 ans sont comme des oufs. Bah, bien dessus. Sûr. Ouais. Retour aux origines. Donc, Cool and the Gang, She's fresh, c'est mon choix. Et Christina, t'es partie sur quoi? Sur Nelly Furtado. Man Hitter. Au moins là j'étais né parce que ton truc Bruno j'avais moins 6 ans quand c'est sorti. Et c'est super serré hein. Bon bah vous choisissez facebook.com/Bruno dans la radio ou avec le hashtag Bruno Fun Radio. Bonjour Cindy. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bon bonjour. Alors en fait c'est un service express ouais, dont tu vas avoir besoin oui. dans quelques secondes, c'est ça hein. C'est par rapport oui. à un cadeau que t'as, un rêve que t'as réalisé pour tes parents mais t'as besoin d'un coup de main. C'est ça. On va en parler dans quelques secondes si tu le veux bien. Juste avant je voudrais vous balancer une photo sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/Bruno dans la radio, d'une nana qui s'est vengée de son mari qui l'avait trompé, de son chéri qui l'avait trompé.

Alerte bébé, les amis, puisque au moment où nous sommes en train de parler, le travail a commencé au niveau de cette clinique parisienne où se trouve la femme de Grégory Vaché, appelée Mariana. Nous devrions donc avoir une annonce de bébé prévue dans la journée. Peu de chance que ça arrive avant 9h15, sauf s'il a vraiment très envie de sortir. On essaye de faire en sorte que, on voulait avoir Vaché en direct, c'est compliqué, la personne est en salle de travail, et il y a quelqu'un qui crie à côté de lui, c'est quand même fou de pas pouvoir appeler quelqu'un au téléphone sans qu'il y ait une nana qui soit en train d'hurler. C'est, les filles, vous avez ça pour vous, vraiment, oui, vous voulez vous faire remarquer, vraiment. C'est exactement ça. Non mais je voulais juste remercier aussi tous les auditeurs du coup de l'émission qui sont en train de tweeter à fond avec le hashtag Vaché Papa. Ah ça c'est bien, voilà, et bah tu sais quoi, il y a plein de messages d'encouragement qui arrivent, c'est super gentil. Hashtag Vaché Papa, vous pouvez balancer vos messages, je crois qu'il a le wifi, hein. Il peut les voir. Ouais. Ouais. C'est bien, ouais, qu'ils mettent le wifi dans une salle d'accouchement, c'est bien, tu vois, comme ça, dès le début, le gamin est un peu blablabla. Hashtag Vaché Papa, ça marche. Allez, on y va. Et on vous tient au courant, bien entendu, s'il y a d'autres infos concernant le bébé de Vaché. Pour l'instant, les amis, nous avons Cindy qui est au téléphone. Bonjour Cindy. Ou plutôt, rebonjour. Cindy, tu es à Châteauroux. Et donc, alors, tu disais en antenne au 3228 que tu avais réalisé le rêve de tes parents. C'était quoi le rêve de tes parents? Alors voilà, j'ai acheté avec mon mari une maison pour mes parents car c'est super compliqué pour eux et surtout c'était leur rêve. Et ouais. Je suis sur le cul, acheter une maison. Ah, c'est énorme. Oui, c'est un petit prêt immobilier pour une petite maison, mais voilà, on l'a fait pour eux et on est très heureux aujourd'hui. Mais du coup, on habite à l'autre bout de chez mes parents, ils habitent dans le nord. Ouais. Et aujourd'hui, je viens demander de l'aide à la famille et surtout la solidarité vers Valenciennes pour les aider à déménager parce qu'ils sont un peu pris à la gorge. Ils doivent déménager pour le 22 octobre. Ouais. Et voilà, ma mère est à la retraite, mon père est épuisé et voilà. Donc alors, toi, t'es où physiquement? T'es à Châteauroux, oui. C'est l'Indre, c'est ça? Oui, c'est l'Indre. Ouais, t'es l'Indre. Ouais. Et eux, ils sont à côté de Lille, à côté de Valenciennes? À côté de Valenciennes, Cambrai-Valenciennes. Et okay. Déménagement, c'est prévu pour le 22, c'est ça? 22 octobre. Bon, bah tu sais quoi, Service Express, allez. Ah oui. Les amis, c'est là où nous allons voir si la notion de famille que nous avons créée le matin sur Fun Radio fonctionne. Si vous êtes du côté de Valenciennes, 22 octobre, ça tombe quel jour, chérie? C'est un week-end ou pas? C'est mieux si c'est un week-end. C'est un week-end. D'accord, c'est un week-end. C'est un samedi 22 octobre. Samedi 22 octobre, oui. Vous êtes dans la région de Valenciennes. Tes parents, alors physiquement, ils habitent où tes parents là aujourd'hui? Aujourd'hui, ils habitent à côté de Douai. À côté de Douai, tu peux donner les noms de villes exacts, hein, les gens qui sont à du coin, ils vont connaître. C'est Sécancour, ouais, d'accord. C'est à combien de kilomètres de Valenciennes? Je dirais une trentaine. Une trentaine de kilomètres. D'accord. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut vider leur maison, mettre dans un camion, charger et amener jusqu'à leur nouvelle maison à Valenciennes? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a le camion sera à dispo? Il y a besoin juste de main ou pas? Ils n'ont pas de camion, ils n'ont pas de main. En fait, ils avaient de l'aide et dernier moment, il n'y a plus personne pour les aider. D'accord. Donc, ok. Bon. Ils sont à zéro. Eh bien, vous savez quoi? C'est la première fois qu'on fait ça. Voilà. Moi, je veux faire un test. Parce que c'est vrai que c'est beau de dire c'est la famille, etc. Mais des fois, c'est souvent dans le besoin qu'on voit la vraie famille. Et bien, si vous êtes du côté de Douai ou de Valenciennes, que vous êtes prêt à filer un coup de main aux parents de Cindy, ils ont quel âge tes parents? Une soixantaine d'années, plus? Oui. Ouais, voilà. Bon, si vous êtes prêt à filer, à faire une bonne action le 22 octobre, et ben vous appelez le 3228, vous manifestez pour faire ce déménagement et prendre donc les meubles du côté des parents de chez Cindy et les amener à 30 km. Bon, est-ce qu'ils payent une binouze au moins ou un truc comme ça? il y a un petit frichetti, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. J'espère. Dans le Nord, il y a toujours ça, il n'y a pas de soucis. Bon, 3228, vous manifestez et on revient vers toi tout à l'heure. D'accord, Cindy? Ok, merci beaucoup. Je te fais des bisous. Putain, et si ça marchait, je serais super fier. Ah, il est là, mon Marc Emmanuel. Ouais, mais... il faut se mobiliser aujourd'hui. Mais non, mais ce serait super classe. Je suis sûr, je crois en la famille. Moi, ça va fonctionner. Crois. Eh ben, tu sais quoi, j'espère. Ah, et franchement, je serais fier de vous. C'est chiant parce que le 22, tu vois, j'étais en train de dire, j'aurais aimé pouvoir y aller, je peux pas, je suis en répétition pour le théâtre. Ah. Mais si quelqu'un de l'équipe peut y aller, on peut essayer de voir. Faites voir les gens de l'équipe. Quand tout le monde se retourne et baisse la tête. Ouais. Moi, je peux pas, j'ai judo, Bruno. Non, mais on peut faire un truc avec la famille ici en interne. On va voir, on vous tient au courant. On va vous aider en tout cas. Bon, pour l'instant, Battle du Grenier. Vous aviez à choisir entre ce titre de 1822. 1984, Cool and the Gang, c'est ce que j'avais choisi, la Battle du Grenier. Vous avez voté, Christina avait choisi Nelly Furtado. C'est en quelle année ça ? 2006. Ouais. Bon les amis, vous avez voté. Facebook.com/Bruno dans la radio et Twitter. Et le score est sans appel. Nom de Zeus ! On part en 1984. À l'ancienne. Mais c'est le principe de la Battle du Grenier, les amis. 84. Il fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Cool and the Gang sur Fun Radio. Le JPI sur Fun Radio. JPI, journal pas en images, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Non-voyant, il tue son ami en jouant au squash. Justice, alors que depuis le mois d'avril, 249 clients de prostituées ont été verbalisés. En un an, 2000 amendes ont été dressées pour jet de mégots. Comme quoi la pipe fait moins de dégâts que la cigarette. Société, selon un classement, Apple, Google et Coca-Cola sont les marques les plus puissantes du monde. Et en même temps, on se doutait bien que c'était pas Desigual, Cochonou et Noroto. Avec le début de la campagne présidentielle, les meetings politiques s'enchaînent. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis moi-même en plein meeting. Ah. Mes chers amis, si vous votez pour moi, vous n'aurez rien. Parce que je m'en branle de vos gueules. Que vous pouvez crever la bouche ouverte. Tant que je peux m'enrichir sur votre dos et mener la belle vie, le reste, j'en ai strictement rien à foutre. C'est tous les gens, ça. Ils veulent que les hommes politiques arrêtent de mentir et disent la vérité, et quand ils le font, ils gueulent. Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'ils mentent tous, hein, finalement. Et pour finir, si vous aimez les orgies, mais pas les maux de gorge, prenez du sirop pour la touze. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Parakeet. C'est ce qui arrive là sur Fun Radio dans quelques secondes. Et puis le Vaché Time. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Vaché Time de ce matin, on est sur un répétage. Oui. Ça, j'aime bien quand il appelle quelqu'un et puis il faut répéter. Enfin, lui répète en tout cas. Petit extrait. Oui. Oui. Qui est au téléphone? Ah ben non. Ça arrive juste après les news. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. 3000 euros? C'est moins. 2000 euros? Moins. Arrêtez de jouer. Pendant le mois cash-cash, votre cuisine est là à partir de 1690 euros. Cash. Cuisine est là. Des cuisines qui donnent envie. Prix pour le modèle Vega selon implantation type. Voir conditions en magasin. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, encore 3 semaines. Jusqu'à ce soir, la côte de bœuf à griller Origine France est à 9,90€ le kilo. Oui, 9,90€ le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine côte 3 étoiles à griller. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. À la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures. Des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'Orias en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Hiver chaud. Hémisphère sud. Radiateur fonte. Chauffage performant. Inertie sèche. Prix doux. 89 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Le radiateur 1000 watts avec double cœur de chauffe pour une diffusion optimale de la chaleur est à seulement 89 euros, éco-participation incluse. Arrivage en quantité limitée à partir du 7 octobre dès 7 heures. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Bougez pas, Bruno. On a un service express là en route, c'est Cindy qui nous a appelé. Cindy, elle est en Indre, elle a ses parents qui sont vieux et qui veulent déménager du côté de Valenciennes et elle cherche des gens pour filer un coup de main. Les gars, vous êtes des bombes, on a plein d'appels au 3228. On va faire un point là sur le service express, juste avant 7h10, 7h10, je paye la facture et le Vaché Time juste après les infos là. Fun Radio, le son Fla. Le point sur l'actu de ce jeudi matin, c'est tout de suite avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue sur Fun. La météo de ce 6 octobre, du soleil presque partout. Le temps sera en revanche perturbé dans le sud-ouest avec des nuages, de la pluie et des orages pouvant se décaler vers la Méditerranée. Le vent soufflera toujours dans le nord, accentuant la sensation de froid. Il fait frais ce matin. 4 à 8 degrés en moyenne, jusqu'à 14 dans le sud. Dans l'après-midi, comptez 14 à Dunkerque, 16 à Paris et Lyon, 17 à Rennes, Nîmes et Orléans, 18 degrés pour Tarbes. Seulement 19 le maximum pour Bordeaux. Une rapidité inédite. Moins d'un an après son adoption, l'accord de Paris entrera en vigueur dans 30 jours. 55 pays représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre l'ont ratifié. L'accord de Paris vise à contenir le réchauffement sous 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Manuel Valls en déplacement dans le Lot-et-Garonne. Le Premier ministre se rendra à l'école nationale de l'administration pénitentiaire d'Agen aujourd'hui. Face au problème de surpopulation carcérale, il présentera son plan de construction de prison, prévoyant alors 7000 000 nouvelles places. Un mois de novembre sans tabac, l'opération sera lancée par le ministère de la Santé aujourd'hui. Elle sera déclinée en campagne de pub d'envergure à destination des 15 millions de fumeurs en France. Ne pas fumer pendant un mois multiplie par 5 ses chances d'arrêter définitivement la clope. C'est le début du Pasteur Don. Fun Radio soutient cette 10e édition. 1500 chercheurs se mobilisent au quotidien dans la recherche biomédicale. Leur but, vaincre les maladies infectieuses, les maladies du cerveau et les cancers. Soutenez-vous aussi la recherche en faisant un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Et puis Aaron Smith ne jouera pas le prochain match des All Blacks ce week-end. Le rugbyman a été suspendu hier par la Fédération de Nouvelle-Zélande pour avoir été aux toilettes avec une femme qui n'était pas sa compagne. C'était en septembre dernier. Un acte de seulement quelques minutes, selon des témoins qui a déplu au staff de la sélection. 7h04, bon réveil avec toute l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun. Jeudi, c'est le 6 octobre, c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 7h04, bonjour! Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France, vous avez choisi Fun Radio, vous faites bien la famille. Vous êtes des millions dans ce cas-là tous les matins, à vous réveiller avec ce son-là de Parakeet. Le nouveau Sia, vous l'avez découvert chez nous avec un featuring de Kendrick Lamar, The Greatest. Et le dernier Robin Schulz, c'est canon. Arizona Robin Schulz, I was wrong. C'est ce qui va arriver avant 7h30 sur Fun Radio. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Et puis... il y a cette alerte info spéciale bébé, les amis. Puisque ce matin, depuis 4h15 pour être précis... Elliot nous l'a appris, enfin je l'ai appris en tant qu'Elliot et Christina, pardon, Vaché nous l'a appris, il est parti à l'hôpital avec Mariana. Ça veut dire que là, au moment où on est en train de parler, le travail a commencé les amis, nous allons avoir un nouveau bébé Bruno dans la radio. Et je voudrais vous dire à quel point je vous kiffe la famille, c'est que depuis ce matin, en top tweet France, c'est-à-dire que c'est le sujet dont on parle le plus sur les réseaux sociaux, en numéro 1, qu'est-ce que je vois les amis ? Le hashtag Vaché Papa. Mais non. Ce qui est fort, c'est que c'est même devant Joanne, le nouvel album de Lady Gaga, quand même. Ce qui est extraordinaire. Et Nico Saliagas, qui est papa depuis hier, apparaît même pas sur le truc. Et pourtant, Dieu sait qu'il est sur les réseaux sociaux. Vous êtes fort. Je vais lire quelques messages quand même. Parce que ces messages, Vaché va les découvrir. Il est en salle de naissance en ce moment. Il y a par exemple Vanessa qui dit plein de bonheur, c'est plein de joie, courage à la maman. Il y a Jean qui dit tu vas voir, il y aura plein de moments sympas avec ce petit bout. Et il y a même le compte fan du Vaché Time qui dit félicitations, numéro 1, c'est un répétage. Mais du coup, j'ai la pression. Attends, Christina, t'as un enfant, Bruno, t'as un enfant, Vaché, un enfant, Mika du JPI, Karina, elle a un enfant, tout le monde en a. Vous avez hâte d'avoir un petit Elliot ? Bah, déjà, on tatoue. Tu es en termes d'enfant, on tatoue, mec. Vraiment. C'est ça. Je vais peut-être attendre de devenir adulte. Ouais, on envisagera de faire un enfant. Je pense que ce sera mieux, vraiment, pour tout le monde. Allez, Vaché Time ! Bruno. Vaché Time! Si vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Et alors là, du coup, je me mets à la place de Vaché pour vous dire ce qui se passe. Il a fait ce qu'on appelle le répétage ici. Vous allez dire répétage, c'est pas français, oui, mais nous, ça nous fait rire. Il a 4 ans. Voilà, c'est-à-dire que justement, t'as 4 ans d'âge mental, tu fais ce gag téléphonique qu'on faisait petit, t'appelles quelqu'un, tu répètes tout ce qu'il dit. Mais alors Vaché, il a cette petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il essaye de répéter avec le même ton et la même voix. Et du coup, quand il tombe sur une dame, ça donne ça. Allô? Ah, allô? Oui? Oui? Vous demandez qui d'abord? Vous demandez qui d'abord? Écoutez, vous êtes mal relié, monsieur, hein? Écoutez, vous êtes mal relié, monsieur, hein? Oh, fouche-moi la paix, hein? Oh, fouche-moi la paix, hein? Oui? Oui? Qui est au téléphone? Qui est au téléphone? Ah ben non. Voilà, au revoir. Voilà, au revoir. Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Allô ? Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, putain. Oh, putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. C'est pour la table basse ? Oui, bonjour. C'est pour la table basse ? C'est sur le bon coin, il y a une table basse à vendre, c'est ça ? C'est sur le bon coin, il y a une table basse à vendre, c'est ça ? Vous avez que ça à foutre. Vous avez que ça à foutre. Bah, c'est une manière de nous parler ? T'as un problème ou quoi ? Il y a un manque de respect total. Merci. Au revoir. Bah, c'est une manière de nous parler ? T'as un problème ou quoi, toi ? C'est un manque de respect total. Merci. Au revoir. Pauvre naze. Rentre chez toi, gros blion. Il est fou. Oh, quel gamin, ce vacher. J'adore ce genre de phase. Bon, on a un service express en cours, là. On a Cindy qui a demandé un coup de main de la part de la famille pour un déménagement. On va voir s'il y a des gens qui ont levé la main, là, pour lui filer un coup de main le 22 octobre. Le temps d'écouter de Parakeet, c'est sur Fun Radio. Ça s'appelle Save Me. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Jeudi aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. Nous voici à Kendrick Lamar, là ça arrive dans quelques secondes, The Greatest. Tiens, et vous savez quoi ? On peut faire un petit coup de Thug Life ce matin, puisque Christina nous a annoncé qu'elle a été Thug hier. Oui. Le Thug, vous savez ce que c'est ? C'est ce rebelle du dimanche. Oui. Ce petit truc où tu dis, ouais putain, je suis trop un Thug, alors qu'en fait, t'as fait un truc pourri. T'as chouré un magazine ? J'ai été une grosse Thug. Hier, j'étais en salle d'attente parce que j'avais rendez-vous chez le docteur. Ouais, grosse. Et j'ai volé un magazine qui datait du mois de décembre 2015. Bra, bra, bra ! Elle est là, ma Kaira des bacs à sable. Et vous savez quoi, on fait un petit Thug Life là avant 7h30. J'aime bien cette phrase. Thug Life, voilà, c'est quand le dernier truc, bah, vous avez été rebelle du bac à sable. Vous avez dit, ouais, putain, je suis trop un rebelle. Mais bon, vous n'êtes pas encore aux portes de la zonzon, quoi, non. C'est ce que je veux dire. 32-28, on fait de la radio ensemble. Tiens, juste avant de payer de la facture, puisqu'on est au 32-28, Service Express. Service Express. Allez. Ouais, ça je vous avais dit sur les applaudissements, c'est soit on les fait tous, soit on les fait pas. Voilà. Les amis, hein. C'est le truc. Soit c'est ringard, soit ça fait genre il y a du monde. Cindy nous a appelé de Châteauroux tout à l'heure pour nous demander un service. Cindy. Tu nous as expliqué que donc tu avais réalisé le rêve de tes parents qui sont âgés, ton père est fatigué, tu leur as acheté une maison. Oui. T'as fait de l'emprunt. Et pas blindé, Sylvie, au point de, tu vois, de faire une maison cash. Mais en tout cas, tu nous as dit, voilà, j'aurais besoin d'un coup de main parce que moi, j'habite dans l'Indre et eux, ils sont à côté de Douai. La maison est à Valenciennes et j'aurais besoin de gens pour les déménager parce que pour nous, c'est compliqué. C'est vrai que l'espace de quelques secondes, j'ai l'impression d'être Marc Emmanuel. Oui, c'est un peu ça. C'est quoi, c'était l'émission Tous Ensemble, c'est ouais, ça, c'est ça. Ben, j'ai eu un peu l'impression de faire ça. Cindy, et ben, tu sais quoi, c'est la première fois qu'on fait ça. Oui. Mais figure-toi qu'on a du monde. Patrick, il est à Dieppe. Salut Patrick. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut Coucou. Patoche. Patrick, 36 ans. T'as appelé Fun Radio au 3228. Donc t'as compris le délire. 22 octobre prochain, oui. On a besoin de main d'œuvre et donc t'as appelé. Tu pourrais faire quoi toi Patrick? Je peux me déplacer éventuellement avec un camion. Oh, il a le camtar. Ah, franchement, tu sais quoi Patrick, bravo. Parce ouais. que je pense que là, t'es peut-être au boulot ou en route pour le boulot. Et t'as pris du temps pour nous ouais. appeler, pour rendre service. Moi, je trouve ça canon. Je trouve ça super ouais, bah, tout à fait. Là, je viens d'arriver à la boîte. J'ai ouvert pour que les gars puissent se mettre en tenue. Et puis, on va repartir au travail, quoi. Et donc, j'ai entendu le message sur Fun. Parce que je vous écoute tous les matins depuis plusieurs années déjà. Tu fais quoi comme boulot? Tu fais quoi comme boulot, Patrick? Je suis commercial dans une boîte de chaudronnerie. D'accord, ok. D'accord. Bon, et ben Patrick, alors on va te mettre en relation. Tu peux rester deux minutes dans le coin là, tu bouges pas. On va te mettre en relation avec Cindy. Il y a Jérémy qui est à Coulommiers. Jérémy, 29 ans, salut mon pote. Salut la famille. Salut. Jérémy, alors toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le 22? Bah moi en fait, comme je disais, moi je suis sur Paris. Mais en fait, tous les week-ends, je vais à Salomine et à Noyelles-sous-Lan. C'est à côté de Douai, je crois que c'est à peine une heure. Ouais. Donc moi, si ça doit être le 22 octobre, je fais ça, il n'y a pas de souci. Oh, bon, toi, tu viens pour amener des bras quoi. Voilà, après moi comme je disais, en fait, parce que on se connaît déjà, en fait, je suis livreur de bière, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai été auditeur du jour une fois. Ah, et en fait, j'ai un camion, mais le problème c'est que je suis pas sûr de pouvoir l'avoir le samedi, donc bon, j'ai pas non, mais avoir on a le camion. On a déjà le camion, D'accord, donc Patrick. Après, donc pour les bras, moi je peux être là, et je peux essayer de négocier avec mon cousin qui vient avec moi. Oh, ouais, t'es fort, ouais, bravo. Génial. Jérémy, bon. Bah pareil, quitte pas, on va te mettre en relation. Marjorie à Valenciennes, salut Marjorie. Salut la famille. Salut ma chérie, Marjorie, 29 ans, qu'est-ce que tu peux faire toi? Alors moi, j'habite à Valenciennes. Ouais. J'ai un camion. Ouais. Et je suis disponible le 22 octobre. Bon, allez, c'est français. Alors, c'est parfait. Franchement, et vous savez quoi Bruno, tu sais qu'on ne peut même pas passer tout le monde tellement on a eu d'appels, ouais. en fait, pour aider. Marjorie, tu bouges pas, on va te passer Cindy. Bon, Cindy. Oui. Et eh ben tu sais quoi, et honnêtement, je suis vous me mettez sur le cul, voilà. Ah, ça fait plaisir. Ouais, on parle de notion de famille le matin, je me disais ouais, tu vois, ça fait joli sur le papier, bah c'est vrai et ça se voit maintenant. On va te passer donc tout ce beau monde Cindy pour que tu gères avec eux le déménagement de tes parents, d'accord ma belle? OK, merci beaucoup à tous. Et eh ben vraiment. De rien. Je te fais des bisous, ma belle. Bon, la dernière, ça reste une femme. Elle va rien porter de lourd. Bon, au pire, elle marquera sur les cartes. C'est, ouais, c'est pas une bonne homme. Allez, 7h15. Bruno. Allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Qu'est-ce que vous êtes classe ? Franchement, je suis sur le cul. Ça fait zéro. Pareil. C'est quoi ? On dit toujours qu'on a les auditeurs qu'on mérite. Et ben, je suis vachement fier de vous avoir. Bon, allez, je paye de la facture tout de suite. Et ben justement, voilà, envoyez vos factures. Profitez-en, on a de l'argent pour vous. Vous les envoyez à facture@funradio.fr ou bien vous les déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. On vous appelle en direct le matin. Facture, payé, cadeau, c'est pour moi. Et on part ce matin du côté de Nozay. C'est dans le 44. Tout à fait. C'est loin de Nantes ? C'est ben, ouais, ça doit être à trois quarts d'heure de Nantes, je dirais. D'accord. Une heure. On part chez François. Ah. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour François. Bonjour. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno sur Fun Radio. Hey Bravo. Excellent. François, ça s'entend pas, t'es en voiture, on est d'accord. Là, je me suis arrêté, là. Ah, très bien, bah, c'est mieux. François, tu fais quoi dans la vie, mon pote, du côté de Nozay? Moi, je suis couvreur. Couvreur, très bien. François, tu m'as envoyé une facture de 352 euros. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des moulinets pour la pêche. Ah, un passionné de pêche. Mais toi aussi, Bono, tu fais de la pêche. Hein. Alors, ok, tu pêches quoi? Tu pêches du carnassier, genre du brochet? Voilà, et bah, carnassier. Voilà. Bien sûr. Tout à fait. Et tu pêches au mormanier? Tu pêches avec quoi? T'es sur du... Roller. T'es monté en Drakanovic ou pas? Non, je pêche au leurre, quoi. Moi, je vous ai lâché. Est-ce que c'est du carnassier? Je sais même pas ce que c'est. Ah, brochet, c'est un poisson qui mange d'autres poissons. Brochet, sans, moi. Voilà. Tout à fait. Bon, bon pote, 352 €, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. Ah, c'est génial, super, merci. De rien, on t'envoie ça vite. Et c'est ouvert la pêche en ce moment au carnassier ou pas? Oui, c'est ouvert, ouais. D'accord, très bien. Ça finit le 1er décembre, enfin le 31 janvier, ça. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci pour l'info. Mais c'est important de savoir. Bah, bien sûr. Très longtemps que j'ai pas pêché, vraiment. Oui, on est d'accord que l'utilité de la pêche, c'est de boire de la bière. Non, sans déconner. Bah mec, pas le matin, quand tu vas pêcher à 6h du matin. Si t'as la bière à 6h ouais. du matin, ça peut expliquer beaucoup de choses. Ah bon, physiquement, je veux dire. Sia, Kendrick Lamar, c'est tout de suite. C'est The Greedest et c'est sur Fun Radio. Me bless you. Kendrick Lamar, Sia sur Fun Radio, The Greedest. La radio qui vous diffuse le plus de nouveautés en France, vous le savez, c'est Fun Radio, le nouveau. Robin Schulz avec Arizona, diffusé chez nous avant tout le monde. I was wrong. Ça arrive là sur Fun. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio, il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. La dernière fois où vous avez été un rebelle à deux balles. Nous on adore cette rubrique. On le fait aller une fois par semaine, on se fait un petit moment thug. Les thugs de la semaine, les moments où vous avez fait un truc et vous vous êtes dit brrrr, comment je l'ai niqué. Alors bon, la Christina, hier c'est j'ai volé un magazine, c'était chez qui? Chez le docteur? Oui, c'était dans la salle d'attente de mon médecin, mais en même temps ils étaient devant moi, j'étais obligée de le prendre, tu mais vois. Bien sûr, je comprends. Pa pa pa pa. Elliot, dernière fois où t'as été thug là, cette semaine? Ouais, je sais pas si je vais oser le dire à la radio, mais bon, c'était samedi, c'était au supermarché, j'étais kill tranche, j'étais en lendemain de cuite. Boum, j'ai soif, j'étais clair une bouteille d'iced tea direct dans mon gosier. Glou, glou, glou, parce que j'avais trop soif, je la termine. Boum, je la repose et je la paye pas. Oh, ça c'est pas bien. C'est pas bien, ah. Ça c'est pas thug life, c'est voleur. Ouais, j'ai laissé une pièce d'un euro à côté, non, alors c'est ouais, pas vrai. Ouais, je gros. Thomas, il a fuilé dans le 49. Salut Thomas. Salut la famille. Ouais, salut. Vas-y, trop toc Thomas, on t'écoute. trop un thug, week-end dernier en soirée. Une fille qui se croyait trop fraîche. Tu vois, le genre de fille qui fait baver tous les mecs. Et là, je vais la voir, je dis, toi, t'as l'air d'être une vraie tigresse. Du coup, elle s'est un peu gênée. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce que t'as de la moustache. Ça me fait rire. Je t'embrasse, mon pote. Christelle, elle est à Quimper. Ouais, Christelle. Salut, sœur. Hop, hop, hop, hop, Christelle. On t'écoute. Alors, samedi, je vais à la piscine avec mon fils. Et là, qu'est-ce que je vois? Bonnet de bain obligatoire depuis un mois. Eh ben, j'ai fait ma rebelle. J'ai pas mis de bonnet de bain. On t'embrasse, Christelle. Maintenant, t'as des poux, hein. Par contre, fais attention quand même, ma belle. J'en ai un bien sur Twitter. C'est Chaudin qui dit sur un plan quand je vois le point rouge. Vous êtes ici, je me décale exprès, je crie non, je suis là. Thug Life. Bra, bra, bra. David, 25 ans à Chambéry. Salut, David. Salut la famille. Salut. Bah, moi, ça parlera à tous les routiers, mais j'ai dépassé mon temps de conduite de 3 minutes. Thug Life. Thug Life de routier qu'on comprend pas trop, mais on comprend un peu. Ouais, ça veut dire que si tu te fais arrêter, gros, et qu'il contrôle ton disque, ça veut voir que t'as eu 3 minutes de plus. Oh. Bla, bla, bla. On t'embrasse, David. À bientôt. Bisous. Oh là là. J'adore ces thugs, mais de l'impossible. Les thugs bien pourris, j'adore ce genre de dos, ça. Ouais, gros. Moi, le dernier que j'ai fait, écoute, c'était un truc con, mais c'est un mec qui. Tu sais, il y a un truc qui m'énerve. C'est les scooters ou les motos qui se garent sur des places de parking voiture. Ouais. D'accord. Et donc, la dernière fois, je me suis garé, le mec a pas pu sortir sa bécane. C'était genre les grosses Goldwing, là, tu sais, les motos là, gigantesques. Je me suis collé, mais vraiment pile collé à sa roue. Le mec, je suis revenu après, il était keblo. Mais ça marche pas, Bruno, tu l'as pas raconté mais avec ouais. La voix de thug. Attends, là, tu fais pas peur et tout. Moi, je m'en fous avec ta moto, là. Ouais, c'est vrai, tu sais quoi? Je crois que j'ai passé l'âge d'être thug. Oh non, on a perdu un compère. Je vais me faire un tatouage en ton honneur, frère. Quand t'es thug, tu dis compère, moi. Peut-être pas, ouais. Allez, le nouveau Robin Schulz, il est sur Fun Radio. Oh, I can see the doubt in those eyes. Even though you try to hide it, there's not much to figure out. Cause I know why. And I won't try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. It used to be so warm those days. I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. Couldn't pull myself together, And I'll be the first to tell you. You were right. Oh, you were right. Oh, you were right. Don't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know. I know.

échauffourée en Corse. 4 gendarmes mobiles ont été blessés hier à Bastia lors de violences avec des jeunes nationalistes. Ils protestaient contre des peines de prison requises hier contre 3 de leurs camarades. Des cocktails Molotov ont été jetés en direction des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu d'interpellation. L'ouragan Matthew se rapproche des États-Unis. Il est attendu dans 24 heures en Floride et en Caroline du Sud, placé en alerte. L'ouragan le plus puissant de ces 10 dernières années dans les Caraïbes a fait au moins 23 morts en Haïti. Haïti où les élections présidentielles et législatives prévues dimanche ont été reportées. Et pour éviter la multiplication de ces phénomènes, l'accord de Paris entrera en vigueur dans 30 jours. Le feu vert a été donné hier, seulement un an après son adoption. Il vise à contenir le réchauffement sous 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Un mois de novembre sans tabac, le défi est lancé aujourd'hui par le ministère de la Santé. Ne pas fumer pendant un mois multiplie par 5 ses chances de sevrage définitif. Et puis toute l'actu pour nos jeunes. À partir d'aujourd'hui, les collégiens et lycéens pourront consulter les journaux dans leur établissement scolaire via une plateforme internet. Il faudra se connecter sur lirelactu.fr. Enfin, Fun Radio soutient le Pasteur Don, cancer, sida, Alzheimer. Les 1500 chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre. Ils se mobilisent au quotidien dans la recherche biomédicale. Vous pouvez les aider en faisant un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. 7h35, vous retrouvez toute l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun. Bon réveil. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais. 6h-9h on Fun Radio. Jeudi, c'est le 6 octobre, c'est Fun Radio. Avant 8h15, nous ferons un nouveau point Breaking News. Vaché Papa, c'est le hashtag qui est en top tweet France depuis 6h ce matin. Vous l'avez remarqué, Vaché n'est pas avec nous ce matin. Et pour cause, depuis 4h30, il est à la clinique en compagnie de Mariana qui déjà poussait un peu quand on l'a eu au téléphone à 6h du ouais, matin. Ouais, c'était compliqué. Était un peu en phase de je pousse. Et c'est vrai que tu peux rentrer à l'hôpital et genre y passer 2-3 jours avant d'accoucher. Genre 2-3 jours, c'est beaucoup, mais 24h, ouais, ça arrive souvent. Ah ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Normalement, il devrait arriver aujourd'hui. En plus, c'est la Saint-Bruno. Ce serait bien comme ça. Je suis sûr de me souvenir de l'anniversaire de ce petit Paquito Jean-Claude. Oui, on ne connaît pas encore le prénom. On aura le prénom peut-être avant 9h15, qui sait. On vous tient au courant, en tout cas. Fun Radio, le son Dance Floor, Soprano qui arrive, je suis en feu. Je vous ressors ça. Ellie Goulding, Calvin Harris. Mais pour l'instant, c'est la chanson du jour. On a comme un petit problème. Oh. Le jeudi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du jeudi. Faites sonner le clairon pour Théophile. Bonjour Théophile. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour Théo. Salut Théo. Alors, je vais parler de ce mail qui m'a beaucoup touché. Théophile, t'as écrit à bruno@funradio.fr. Enfin, tu m'as expliqué que du haut de tes 10 ans et demi, tu t'es fait aider par ta grande sœur. Elle s'appelle comment ta grande sœur? Elle s'appelle Corentine. Corentine. Depuis un an, ton rêve, c'est d'avoir un animal de compagnie, et plus particulièrement un lapin. Tu me dis qu'à la maison, tu as déjà un chat, mais qui est ta grande sœur, l'autre grande sœur? Elle s'appelle comment, l'autre grande sœur? Elle s'appelle Jeanne. Voilà, et que tu n'as pas le droit de l'approcher. Et comme tu es le dernier de la famille, et que tu as 10 ans d'écart avec la plus grande et 8 ans avec l'autre, il m'a marqué ça. Je vous dis, vous savez quoi? En le relisant, je peux rechialer en fait. Oh, mais c'est un lapin. Mais oui, mais il m'a mis, voilà, étant le dernier de la famille, ayant 10 ans d'écart avec la plus grande et 8 ans avec l'autre, je me sens seul et je m'ennuie. Les amis, mais je t'explique, Théo, j'ai exactement vécu la même chose avec mes deux sœurs. J'ai 8 ans et 11 ans de différence avec mes deux grandes sœurs et passé un certain moment, elles en avaient plus rien à foutre de ma gueule. Oh. Et moi, je voulais un chien. Et tu l'as pas eu? Mais non, mes parents disaient un chien, c'est sale, ça salit, machin, etc. Ce qui fait que dès qu'il y avait une bête qui passait près de la maison, j'essayais de l'adopter. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, et c'est pour ça que t'as un chien aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai un chien aujourd'hui. Je rappelle que la seule bête que t'avais adoptée, c'était une mouche et tu lui retirais les pattes. Oui, mais c'est parce que je voulais pas qu'elle s'en va. Enfin, les ailes. Je voulais pas qu'elle s'en va, moi non plus. Oh, c'est mignon. Oui, mais je t'ai répondu comme j'aurais répondu à 10 ans. Bon, alors, tu me dis que tu veux faire une chanson à ton papa et ta maman pour les convaincre, car t'as vraiment envie d'avoir ce lapin, que t'es prêt à arrêter de parler en cours, t'es prêt à avoir des bonnes appréciations, à t'occuper de l'animal tout seul. Ouais, c'est surtout ça. Parce que, je le dis, c'est vrai que quand t'as 10 ans, tu veux un animal, mais un animal, c'est pas un jouet. Ben oui, mais c'est pareil, ma sœur, elle veut un chien, mais tu vas le sortir peut-être pendant 2 ou 3 mois, mais après, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça va te durer 10 ans, un chien. Il faut en occuper, il faut s'en occuper. Bon, Théophile, pendant que je suis en train de te parler, on a ta maman qui est en attente, d'accord? D'accord. On lui fait passer le message, et puis après, c'est à toi de gérer, mon poteau, ok? Ok. Tu bouges pas. Au téléphone avec moi ce matin, J'ai Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, je m'appelle Bruno Guillon. Oh. Ça veut dire quoi ce oh? Ben, ça veut dire que je vous écoute tous les matins quasiment, donc ah. Ça fait bizarre. Est-ce que ce quasiment sous-entend que ce matin tu n'écoutais peut-être pas? Si, dans la voiture en venant au travail. Ah bah donc alors tu sais pourquoi je t'appelle. T'es déjà au courant ou pas? Ben à cette heure-là c'est une chanson. Oui. Non. Mais est-ce que tu m'as entendu parler de la chanson du jour il y a 5 minutes? Non. Eh ben tout va bien. Parce que c'est justement pour toi la chanson de ce matin. J'ai un message de la part de Théophile. D'accord. T'écoutes les paroles, on en parle après? Ok. Eh ben c'est parti. Voilà. Ça sent Chantal Goya ce matin. C'est ça, hein? C'est pour les vieux. Ouais, très bien. Oh merde. Votre enfant a un grand rêve, mais pas sûr que ça vous plaise. Car à la maison, il s'ennuie et a besoin d'un nouvel ami. En échange, il va ranger et arrêter de bavarder. Donc à vous d'être une bonne mère, ne faites pas de sa vie un enfer. Ce matin, votre enfant voudrait un lapin. C'est super mignon, donc vous pouvez pas dire non, Meg. Sinon demain, ce lapin va finir en... Oh là là. Oh là là là. Ouais. Ah oui. À qui le dis-tu? Bon. Ah ouais. Bon, ben il m'en avait parlé, en effet. Et alors? Ben alors, c'est mignon, c'est vrai, mais qui va changer la litière? Ben c'est lui, il est prêt. Alors ça, par contre, oui. Il l'a dit. Il veut vraiment s'en occuper. Hein. Ouais, c'est un engagement. C'est ouais, c'est un engagement. Théo. Oui. Ouais, t'es en direct avec ta mère. Là, on est au moment des promesses. On est sur du vrai, parce que c'est une tannée. Moi, petit. J'avais voulu un hamster. Ma sœur m'avait offert un hamster. J'ai eu un hamster après, et j'ai lâché l'affaire au niveau des crottes et tout ça. Ça m'a vite fait chier parce que ça chie beaucoup un lapin, Théophile. Donc, est-ce que t'es prêt à t'occuper du ménage, du nettoyage et tout ça? Est-ce que tu le jures devant Dieu? Oui, je le jure. Oh, il le jure. Emmanuel, un petit chaton. Oh, après, voilà. Après, bon. Emmanuel, oui. Après, c'est toi et ton cœur. Ouais. Bah, moi et mon cœur, et il y a mon mari aussi dans l'espoir, parce que je suis pas toute seule à décider. Oh, et oh, on sait qui porte la culotte. Mais oui, c'est toi. Ça va. Emmanuel. C'est vrai que c'est tout doux, mais bon, après, quand on part en vacances, ça, les filles resteront, hein, peut-être pour l'aider, puisqu'elles ont diamanté ce coup. Mais il y a des... Maman? Maman? Oui? Papa, il vient de dire d'accord. Ah bon? Bon, bah alors je m'incline. Alors. Bah, voilà. C'est bon. Oh, j'adore cette émission. Bon, bon, on va pour un lapin. Un lapin, c'est allez. Pas un jouet, d'accord? C'est un animal. Oui. Un animal, ça se respecte. Un animal, on s'en occupe jusqu'à sa mort, d'accord? Oui. Et après, bien entendu, on le mange à la moutarde. Sans façon. Théophile, Emmanuel, on vous embrasse. Merci beaucoup. Ben, gros bisous. Et puis, je peux juste dire un petit message? Vas-y. À ma collègue Jessica, qui vous écoute aussi tous les matins. Donc, je l'embrasse bien fort et je vais la rejoindre de ce pas. Eh ben, écoute, on l'embrasse également. Théophile, on te fait des bisous, mon pote. Bisous, bisous. Ciao, ciao. J'ai une histoire pas drôle sur un lapin, mais j'avais eu le lapin à l'école, tu sais, on m'avait demandé de le garder. Ouais. Il s'était échappé de sa cage. Non, c'est pas drôle, il avait bouffé un fil électrique, con. Mais c'est horrible. Paf. J'avais pleuré. Et paf, et paf, le lapin, ouais. Ah merde. J'avais pleuré pendant au moins des heures et des heures, et du coup, je m'étais fait engueuler parce que je l'avais jamais ramené à l'école. Ouais. C'est horrible. Bah, c'est pas de ma faute, il avait qu'à pas bouffer le fil de l'ordi. Ils l'ont appelé Claude François après. Vraiment. Bon! Soprano arrive sur Fun Radio. On vient d'avoir des nouvelles de Vacher. Ah, et ben breaking news, accouchement dans 3 minutes là sur Fun. À tout de suite. Vous partez faire la fête avec DJ Snake à Las Vegas. C'est le double fun sur Fun Radio. T'as entendu quoi sur Fun Radio, Loïc? Je t'écoute. Eh ben le double fun de DJ Snake avec Let Me Love You pour la première et Talk pour la deuxième. Loïc, tu pars à Las Vegas. Bien yeah joué. Merci Fun Radio. Merci. Eh, c'est beau ça. C'est le double fun sur Fun Radio. 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel.

Bonjour les familles, bonjour l'équipe. Dans deux minutes, Mathieu, ça va bien. Tu vas nous parler de ta lose. T'es notre loser du jour, mais juste avant. Breaking news. Hashtag va chez papa, c'est en top tweet France depuis 6h du matin. Vachy n'est pas là ce matin et pour cause, Mariana, sa chérie, est en femme de salle de travail. On va avoir un Vachy junior dans la journée, normalement. Oh là là, j'ai trop hâte. Alors, il t'a envoyé un SMS il y a 3 minutes. Il vient de m'envoyer un SMS. Voilà, il a dit qu'il avait eu une période difficile juste après nous avoir eu au téléphone. C'était tout à l'heure à 6h. Qu'il était en flip, mais que la péridurale était posée. Oh là là. Voilà, là donc là ça veut dire que c'est imminent. Là, elle est en train de se reposer parce qu'elle n'a pas du tout dormi de la nuit, sa femme. Donc, elle reprend des forces avant le grand saut, me dit-il. Oh là. Le compte à rebours va commencer. Le col est ouvert. Attention, on voit les cheveux. Ça arrive. Poussez. Bon, on vous tient au courant, bien sûr. Alors, nous avons Mathieu qui est donc à Soissons et qui a appelé pour nous parler d'une lose. Rebonjour Mathieu. Alors, il paraît que tu as eu une lose avec ton patron que tu n'arrivais pas à joindre au téléphone. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bah c'était vendredi en fin de journée, donc j'essaie de l'appeler pour un petit problème sur le chantier, et donc je l'appelle une fois, répond pas, je rappelle et il me dit et je dis comme ça, bon il va pas décrocher l'autre connard, et en fait à ce moment-là j'entends oui allô si je suis décroché. Oh non. Donc simple, court et efficace. Ah ouais direct ouais. Il l'a pris comment? Bah, elle l'a pris un peu mal, quoi. Parce qu'après, quand je suis retourné à l'atelier ce soir, il m'a demandé de m'excuser, quoi. Et puis, ça se reproduise plus. Bah, Et le problème, c'est que là, tu peux pas inventer un mytho, en plus. Il n'y a rien à inventer. Non, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, moi, ça m'est arrivé aussi, mais quand tu raccroches, tu sais. T'as mal raccroché et tout, et donc il y avait un mec, c'était un de mes potes qui m'appelait et je raccroche, enfin je fais semblant, enfin tu vous m'avez compris quoi, en gros je crois que j'ai raccroché et ça a pas raccroché et je dis elle est vraiment bête sa copine et il m'a entendu depuis, il me fait la gueule, il me parle plus. Ah ouais. C'est chaud. Ça c'est le problème de quand t'as mal raccroché, de quand t'entends pas que ça a décroché ou de quand ton téléphone appelle tout seul des doses. Ça c'est horrible. Tu peux aussi, c'est le téléphone qui appelle tout seul dans ta poche. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas tous le réflexe, quand tu commences à biatcher un peu avec quelqu'un, de prendre ton téléphone pour regarder s'il est coupé? On est d'accord. Quand tu commences à biatcher, tu dis « Ok, c'est bon, je peux dire des conneries. » C'est bon. Mathieu, bon, bah, on embrasse ton patron. Ouais. Il s'appelle comment? C'est quoi son prénom? Il s'appelle Olivier. Olivier, un bon nom de patron, ça, Olivier. On t'embrasse, Mathieu. Bisous. 7h51, c'est Fun Radio. Dans 4 minutes, il y aura le JPI. Journal pour une image, c'est le faux journal de l'émission et pour l'instant notre pote Soprano là sur Fun Radio à 7h52, je suis en feu. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car je sors de la piste, je fais une grande écart de Vanda. Je sens que je vais briller ce soir. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Moi, j'ai la version de Nicole Pervers en tête. Appelle tes copines. On va peut-être pouvoir faire un bootleg en direct. Le 17 octobre, il y a Soprano qui vient. Oui, alors en fait, il tient à faire la seule émission qu'il veut faire le matin, donc le jour de la sortie de son album, c'est la nôtre. Voilà, donc il va venir. Et donc, je pense que Nico Pervers sera là pour essayer de faire un petit battle. Un petit battle, peut-être un duo. On va essayer d'organiser un truc. Les amis, 7h55. Vous écoutez Fun Radio, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On est parti pour une demi-heure, là, 30 minutes. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à 7h25. Vous gagnez ce matin, et on en offre un tous les jours, un MacBook Pro Retina 13 pouces, ordinateur qui vaut quand même 2000 boules. 2000 euros. Hier, on a eu une auditrice, putain, et ça tombait super bien. L'auditrice, on l'a appelée à 9h15, qui a été tirée au sort parce que c'est un tirage au sort. Elle s'était faite chourer son téléphone portable la veille, et donc elle a dit bah c'est super, elle pleurait, elle dit l'ordinateur bah je vais le mettre en vente parce que j'en ai pas besoin, mais avec l'argent je vais récupérer, je vais acheter un téléphone. Bah, si vous voulez le vendre, vous pouvez. Attention, et nous on n'est pas le genre faites de radio vous à vous obliger à garder le truc et tout ça. On sait ce que c'est, vous avez besoin de thunes, bah 2000 euros c'est de l'argent. Bref, vous le gagnez maintenant. Vous envoyez Bruno par SMS. Vous êtes en France, vous envoyez ça au 74 900. Vous êtes en Belgique, vous envoyez ça au 63 22. Vous avez une demi-heure, pas une minute de plus. Le but, c'est pas de vous faire envoyer des SMS pendant 3h30 pour s'engraisser sur votre dos, c'est de vous faire gagner un beau cadeau. Une demi-heure pour envoyer vos SMS, dans une demi-heure, tirage au sort. Un numéro sera tiré au hasard. Donc quand je dis au hasard, ça peut être un SMS quand envoyé maintenant, ou alors dans un quart d'heure, ou dans 29 minutes et 30 secondes, ça marche. Je vous appelle en direct, vous répondez, vous repartez avec ce MacBook Pro. On le met dans un colis Chronopost, vous l'avez chez vous demain, c'est sous 24 heures la livraison. Bruno par SMS, 74 900 ou 63 22 pour la Belgique, bon courage. Le JPI sur Fun Radio. C'est le journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Sobre, il rentre chez lui en se souvenant tout de suite de son code. États-Unis, en un an et demi de campagne, Donald Trump a insulté 273 personnes, lieux ou choses sur Twitter. S'il ne devient pas président, il pourra toujours intégrer l'équipe de Touche pas à mon poste. People, Nikos Aliagas est devenu papa pour la seconde fois et visiblement, il y a 9 mois, il a passé 50 minutes inside dans sa femme. Les joueurs de l'équipe de France sont en stage à Clairefontaine pour préparer leur match face à la Bulgarie et aux Pays-Bas. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait, je suis justement à Clairefontaine. Bonjour monsieur, excusez-moi, je cherche un joueur de l'équipe de France. Moi ? Je suis un joueur de l'équipe de France ? Ah ouais, vous êtes marrant. Comment vous vous appelez ? Prenel Kimpembe. Ok Prenel, pouvez-vous m'indiquer où je pourrais trouver un joueur de l'équipe de France, s'il vous plaît ? Puisque je vous dis que je suis un joueur de l'équipe de France. Bon, écoutez, je vais pas m'en sortir. Me débarrasse du kiné, je vous rappelle. Ça marche, Anthony, bon courage. C'est vrai que ça fait partie des nouveaux joueurs. Prenel Kimpembe. Ouais. Il joue dans quelle équipe ? À Paris, PSG. Ah, bah c'est pour ça que je savais pas. Prenel Kimpembe. Défenseur parisien. Ouais, très bien, ouais. Allez. Et pour finir, si vous aimez les séries et les sous-vêtements, regardez Stranger String. Ah ! Et ouais, voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Il faut savoir que maintenant, on fait donc des vannes sur les séries qui sont diffusées sur Netflix. Je peux dire qu'on est parti dans le pointu, les amis. Allez, vous restez sur Fun Radio. Dans quelques secondes, il y aura Calvin Harris. Je l'ai promis, on n'a pas eu le temps de le passer avant 8h. On peut le mettre après 8h. Je vois Fonf qui gère la musique. On va le mettre après 8h. D'accord. Après Boosty. Très bien. Le Fonf, c'est 8. La musique arrive dans le studio. Hop, comme ça. Et hop, roubé. Hop, t'as Boosty qui est derrière. Voilà, hop. Monte sur la chaise, Boosty. Voilà, c'est Fonf. Ils sont bien dressés. Ouais, je sais. On va pas le mettre en entier maintenant, on va l'écouter juste après 8h sur Fun Radio. À tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance électro. C'est Fun Radio. WNW

Boosty Popcorn. Ça arrive là sur Fun Radio. Et je vous avais promis Calvin Harris. Un vieux Calvin Harris, je me comprends. Un an quoi. Outside avec Ellie Goulding. Ça va arriver là sur Fun. 8h30, il y aura le jeu des 30 secondes. Jeu des 30 secondes. C'est moi le champion, je crois. Oui, c'est toi, Bruno. Oui. Donc ça veut dire que je vais jouer tout à l'heure à 8h30. Mais vous choisissez quelqu'un d'autre de l'équipe qui va tenter de vous faire gagner un pack PS4 avec le jeu The Last Guardian à l'occasion de la Paris Games Week. Rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France. C'est bien entendu un événement Fun Radio qui va débuter le 27 octobre. Christina est là ce matin. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Et puis... La breaking news de ce matin, c'est que Vacher, depuis 4h30, est en salle de travail. Enfin là, depuis 4h30, non. Il était à la clinique depuis 4h30. Salle de travail maintenant depuis un peu plus d'une heure. Ouais, la péridurale est posée depuis une demi-heure, voilà. Exactement. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est... Péridurale, ouais. C'est une anesthésie qu'on te met en fait pour que les contractions soient moins douloureuses. Bah, elles sont plus femme, les contractions. Hein. La femme souffre moins. C'est la grosse, c'est la grosse épine là. Exactement, ouais. La grosse aiguille. Ouais. Elliot parle comme un enfant. Mais c'est génial la et péridurale. Il faut savoir que la femme a la possibilité de gérer elle-même sa péridurale, suivant si elle veut sentir un peu ou pas du tout la douleur. Alors ça dépend, parce que moi je sais que par exemple je gérais pas, j'avais vraiment un anesthésiste qui gérait pour moi, et je peux te dire que j'ai rien senti, et c'était trop bien. Pas que l'anesthésiste a fait des choses, après enfin bon. Donc voilà, ça va arriver aujourd'hui, le hashtag va chez papa, c'est en top tweet France depuis 6h du matin, et ce qui est ouf, c'est que ça se bagarre avec le hashtag Johan, qui est le titre du dernier album de Lady Gaga. Exactement. Hashtag va chez papa. Quand il va lire les messages, ça va lui faire plaisir. Ouais. Je pense que ça va lui faire plaisir. Bon, les amis, à 8h10, je vais payer de la facture. Mais là, tout de suite, je voudrais qu'une personne de l'équipe se confesse. Je voudrais qu'elle parle maintenant ou qu'elle se taise à jamais. On a tous, dans notre vie, des moments où nous avons besoin de soulager notre conscience. Ce petit moment où on fait quelque chose qui, sur le coup, n'a peut-être pas d'importance et puis, avec le recul, en prend beaucoup, voire beaucoup trop. Ce moment où, quand on se regarde le matin à 8h07 dans le miroir, on n'aime pas l'image qu'on voit. N'est-ce pas, Karina? Oui, je me sens mal. Mais vraiment, ça me fait de la peine. Mais je sais, regarde, c'est pour ça que je mets une musique de peine. Elle a les larmes aux yeux, je sais, je la connais. Elle a fait un truc pas bien et elle regrette. Ouais. Eh bien, tu sais quoi, ce matin, je te propose de pouvoir te soulager au micro. Tu vas voir, ça va aller mieux. Soulage-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, mon bijou, mon amoureux, a un cendrier qu'il détient de sa famille depuis qu'il est né, en fait. Il a ce cendrier, mais il est extrêmement moche. Ouais. D'accord? C'est un truc en bronze doré, dégueulasse. Et vraiment, je déteste ce truc et du coup, je l'ai jeté. Et en fait, la dernière fois, il me dit, mais dis donc, il est où mon cendrier? Tu sais, c'est un truc de ma famille et tout, j'y tiens vachement. Et j'ai vu que vraiment, ça le peinait. Donc, j'ai fait mes recherches sur Internet, je l'ai racheté. Bon, son cendrier de merde, il coûte 18 balles chez eBay, hein, donc il faut le savoir, c'est pas du tout un truc des familles. Et en fait, je lui ai dit, bah tiens, regarde, ton cendrier, il est là. Sauf qu'en fait, c'est pas le cendrier. Et lui, il s'en est pas rendu compte? Et lui, ne le sait pas. Ah, c'est horrible. Et ça me fait mal au cœur. Ouais. Voilà. Oh. T'as l'impression de l'avoir trahi un peu ou pas? Mais complètement. C'est quoi, trahi. Je crois que maintenant, tu peux le tromper. Ouais. Si tu commences à lui mentir sur ça, tu peux aller coucher ailleurs. Non, mais s'il l'apprend, il me quitte, je pense. Hein. Ça lui ferait vraiment, vraiment beaucoup de peine. Et l'autre, il est où? Tu l'as perdu alors? Je l'ai jeté à la poubelle, mec, j'en avais rien à foutre. Tu crois vraiment qu'il... Non, il te quitterait pas. Bah, peut-être pas à ce point. Il serait très, très, très déçu et très en colère. Quoi. Mais du coup, voilà, j'ai racheté mon truc, il le saura jamais. En eh bien, on l'a au téléphone. Bonjour Julien. Non, mais peut-être qu'on pourrait l'appeler pour lui dire, pour essayer de faire passer le truc. Bah, ouais. Ce serait pas sympa. Non, c'est pas moi. Non, c'est vrai, non, mais je vois dans ses yeux, ouais, qu'elle ment pas. Je sens vraiment qu'elle ment pas. Est-ce que Bruno t'aimait être sympa? Hein? Est-ce que t'aimais être sympa? Oui, il est sympa. Mais Karina, c'est ma chouchoute dans les... Ah, bon. Alors, et puis il aime beaucoup Bijoux aussi. Et puis j'aime bien Bijoux. Faut quand même que je vous explique Bijoux, le mec de Karina, ouais. La première fois où je l'ai vu, il m'a fait un kiwi quand même. Ça crée des liens. C'est un concept. C'est quand même un truc extraordinaire. Tu vois, t'invites ton patron. Donc, en l'occurrence, ouais, je suis le patron de Karina. Elle invite son patron à une teuf et son mec arrive avec le zboubi à l'air. Bonjour. Et là, tu sais quoi, moi je trouve qu'un mec qui fait ça, c'est forcément un gars qui a du caractère. Donc ouais. Moi rien que pour ça, j'aime Bijoux. C'est un mec bien. Par contre, hey, vous avez vu, on sait être à l'écoute. Vous avez besoin de vous confesser, vous avez besoin de soulager votre conscience. Et ben, vous appelez le 3228. Et on va faire pareil pour vous avant 8h30. Pour l'instant, montez le son, c'est Boosty sur Fun Radio. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes à en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous aller dès qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques, je capte pas. Les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Boosty, il était venu faire l'émission en direct, Boosty, quand on avait fait l'émission depuis Limoges. Très sympa, Boosty, de mémoire. Très talentueux aussi. C'était, oui, merci. Ouais, ouais. Merci, Elliot, de le préciser. C'est important, vraiment. Ouais, ouais. Dans ce marasme consensuel de musique, je trouve que c'est bien de le dire. Exactement. Qui fait exactement, il n'a rien compris. Moi, j'adore les marasmes, oui, c'est ça, ouais. Aussi. Je marasme beaucoup dans la vie. Calvin Harris et Ellie Goulding, ça arrive, je paye de la facture dans moins de 2 minutes sur Fun Radio, mais attention! Attention, les alertes people peuvent tomber n'importe quand. La planète people tourne à toute vitesse, mais Christina l'arrête de temps en temps. Et alors là, nous allons parler... d'une fille dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps. La fille à sa maman. La fille de Madonna, Lourdes. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas entendu parler. Alors, faut savoir qu'elle a 18 ans maintenant. Elle a toujours de la moustache? Non, elle a plus de moustache. Enfin, elle est un tout petit peu poilue, mais ça va mieux quand même. Vous l'avez bien vendu, les amis. Comme toi. Non, mais elle est très belle. Franchement, elle ressemble à Madonna jeune. Et alors, je pense qu'elle sera comme sa mère, puisqu'elle vient de poster une photo d'elle sur les réseaux sociaux, seulement vêtue d'une nuisette totalement transparente. On voit les nénés. La photo est sur la page Facebook Bruno dans la radio. Mais elle est très belle, hein. Elle est où, moi, la photo? Le truc, c'est que... Bah, on va la mettre là sur... Alors, Facebook, on peut ou pas? Est-ce qu'on voit le sein beaucoup ou pas trop? Ah oui, on voit. Hein. Je mets un lien. Ah ouais. Ah, il faut savoir, Facebook, quand même, voilà, je le dis souvent, mais Facebook, tu peux te faire radier de Facebook... Si tu fous un bout de téton de nana, d'accord. Oui. Par contre, si tu mets un otage américain qui se fait décapiter par un trou du cul à l'autre bout du monde, tranquille. Là, par contre, il l'enlève pas. C'est un truc. Faudra qu'on m'explique un jour ce qui se passe dans la tête de Mark Zuckerberg. On vous met le lien. Mais en même temps, c'est compliqué quand t'es Madonna et que t'as fait tout ce qu'a fait Madonna dans sa jeunesse. Va dire après à ta fille et dis donc, fais pas ça. Enfin, tu vois, sa fille, elle va sur Google, elle tape Madonna. des photos de sa mère à poil dans la rue, il y en a 8000. Et puis ce serait chelou qu'elle ait fait une fille bonne sœur, quoi. Bon, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on l'a la photo du coup? Parce que là on attend Natacha. Ouais, c'est bon, c'est en ligne. Et ben merci, c'est bon, Nicolas. Et ben voilà, c'est bon. On va voir. Allez, facture. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Elliot, lance les factures, je vais regarder la photo. Ah vas-y, vas-y. Donc du coup, bah voilà, c'est le moment où on paye vos factures tous les matins, 7h10, 8h10. Christina, comment on fait pour les envoyer? Alors il y a plusieurs moyens, Elliot. Soit on le fait par mail, facture@funradio.fr ou par courrier. La photo. Vous envoyez vos factures à Fun Radio, c'est au 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Et si on vous rappelle le matin à 7h10 ou 8h10, et que vous répondez Bruno, c'est pour vous. Alors, Elle est bien. Et par contre, excusez-moi, deux petites secondes. On est à l'antenne ou pas? Oui, c'est pas grave. Tu peux pas la mettre en plus grosse, la photo, parce que c'est une visière, on n'arrive pas à la grossir. Hein, Nicolas? Déjà, en petit, c'est dangereux pour Facebook, on pourrait se faire supprimer, mais alors en grand. Mais sur Instagram, un truc, hein, tu vois, qu'on voit pas bien. On part chez Lucie ce matin, dans le 76. Seine-Maritime. Mont-de-Lif. Allô? Allô Lucie? Oui? Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno. Et ben voilà. Bravo! Merci, c'est trop bien. C'est Bruno. Bonjour Lucie, ça va ma chérie? Ben oui, ça va. T'as quel âge, tu fais quoi à Mont-de-Lif? Je suis étudiante en BTS Communication. D'accord, t'as quoi, t'as 20 ans? 19. D'accord. Lucie, tu m'as envoyé une facture de 280 €. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Alors, c'est pour un concours de saut d'obstacle à Paris, en fait. C'est un concours international. Ouais. Il y a des cavaliers des JO et il y a aussi des people comme Guillaume Canet. Bah oui, bien sûr. Guillaume Canet, il a gagné un prix encore ce week-end. Oui, il est trop fort. Moi, j'adore. Bah oui, gros cavalier, c'est fou quand même. Le mec est acteur, réalisateur de renom et en plus, il monte super bien. Tu fais du cheval depuis combien de temps, Lucie? Depuis que j'ai 6 ans. Ouais, c'est un délire. C'est une passion, le cheval, hein. Moi, j'ai un blocage. Je sais qu'on a souvent des gens qui kiffent les chevaux. Ça va faire plaisir à Mika qui nous écoute, l'animateur de Fun Radio. Mais c'est vrai que moi, j'ai un blocage avec le cheval. Je suis tombé de cheval dès le début. Et du coup, maintenant, j'ai peur des bons. Et pourtant, tu connais l'expression, Bruno. Bah, il faut remonter sur le cheval tout de suite. Ouais, mais non, ça m'a pas chauffé. Lucie, 280 €, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. D'accord, ma belle? Merci beaucoup, c'est super. Merci. On te fait des bisous? Merci, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Non, mais ouais, moi, j'aime pas trop les chevaux parce que ça me fait peur. C'est trop gros. C'est trop gros. Et c'est Elliot qui dit ça, mais tu sais, il te le rend bien. Mais tu penses que si je monte sur un cheval, il flippe? Je suis trop lourd pour le cheval? Bah, surtout, on peut porter plainte pour maltraitance. Calvin Harris, Ellie Goulding, ça arrive sur Fun Radio avec Outside. Et puis, si vous avez besoin de soulager un peu votre conscience, un peu comme Karina l'a fait tout à l'heure, on s'offre 3-4 minutes là, de confessionnel sur Fun Radio juste avant 8h30. A tout de suite. Ce soir, 20h, 22h, c'est Love in Fun avec Doc, Karel et Alice. C'est important quand on vient de se faire larguer ou quand on largue quelqu'un, de se retrouver un peu seul. Oui, parce qu'apprendre à être seul, c'est apprendre à être avec l'autre. Putain, la dernière personne que j'ai entendu parler comme ça, c'était le Dalai Lama. Bientôt, je le remplace. Il est 22h. C'est le Night Show avec Marion et Anso. J'aimerais qu'on parle Danse avec les Stars. Ah. Et ce matin, quelqu'un a annoncé sa présence à l'émission, c'est Julien Lepers. En même temps, après s'être fait envoyer valser par France 3, c'est un peu logique qu'ils se mettent à la danse, non? Ah ouais. Fun Radio. Bah, pourquoi tu cries? Ah, t'as retrouvé le bulletin du petit. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Et oui, encore 3 semaines! Jusqu'à ce soir, la côte de bœuf à griller Origine France est à 9,90€ le kilo. Oui, 9,90€ le kilo et Origine France! Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. Dépêchez-vous! C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine côte 3 étoiles à griller. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies.

Snapchat, c'est Fun Radio. Vous avez envoyé Bruno par SMS au 74 900. On fait le tirage au sort maintenant. C'était une demi-heure, pas une minute de plus. Je vous l'ai dit, on a fait le tirage au sort tout à l'heure. On fait le tirage au sort maintenant. On a lancé les SMS tout à l'heure. C'était à 7h54. On vous appelle en direct sur Fun Radio. Vous repartez avec votre ordinateur. C'est un MacBook. Un MacBook Retina 13 pouces, valeur 2000 euros. On vous appelle en direct, vous décrochez et le MacBook est pour vous. On tire un numéro de téléphone au hasard maintenant, on vous appelle maintenant en direct. Et là, je suis en train de mettre une panique au standard. Ouais, Loseman qui dit « Oh, mais ouais, mais d'habitude, c'est 5 minutes avant que tu me préviens. Et là, vous me prévenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ?» Explique, Loseman, qu'est-ce qui se passe? Mais le site a planté. Ah, le site a planté pour le tirage au sort, hein. Bah oui. Bon, c'est pas grave. On va revenir là-dessus dans quelques secondes. Tu prends cette excuse, Bruno, genre. Ouais, ouais, c'est genre... Loseman, hein, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Allez, d'accord. C'est Loseman, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Loseman, cette émission serait top si on était enregistré. Voilà. Oui, alors, je sais qu'ils le font sur d'autres radios. Nous, on veut être en direct le matin. Mais c'est notre croix. Il y a les aléas du direct. Exactement. On vit avec, on fait avec. Laura et Audrey sont au téléphone. Je vais accueillir Audrey pour commencer. Bonjour Audrey. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Audrey, nous parlions tout à l'heure avec Karina du JPI de ce petit truc. Ce petit truc qu'on a fait. Et puis après, on se sent mal. Ce petit truc qu'on a besoin de confesser parce que c'est un poids sur la conscience et ça pourrit la vie, ça ferme les chakras et on n'est pas bien. Un peu comme le moment happy, mais dans le sens contraire, le moment confession. On va lancer ça ce matin. Karina l'a fait tout à l'heure en expliquant qu'elle avait balancé un truc dont son mec tenait beaucoup. Et elle a été obligée de le racheter, mais le truc n'est pas pareil. Lui, s'en est pas rendu compte, mais elle le sait et ça la taraude au quotidien. C'est quoi, toi, le dernier petit truc voilà, que tu regrettes fort et tu voulais en parler ce matin? Alors, j'ai donné ma démission de mon boulot et je voudrais faire mon mea culpa à une de mes collègues, ouais, à qui j'ai pourri la vie pendant 3 ans. L'eau salée dans la bouilloire, c'est moi. Les dossiers mélangés dans les armoires, c'est moi. Le standard qui fait que appeler, c'est moi et quelques copines. Ouais. Et voilà, donc je passe mon temps à lui pourrir sa vie, je lui annule ses fax, comme ça elle les repasse tous. Oh la pourriture. Mais attends, pourquoi t'as fait ça, Audrey? La pourriture, c'est bien le terme. Pourquoi? C'est notre princesse du bureau, donc elle a tous les droits, elle fait ce qu'elle veut. Donc, elle t'a énervé, quoi? Elle m'a énervé depuis un bon moment, et puis bah, en fait, je lui pourris sa petite vie au quotidien, de temps en temps, histoire que la vie soit pas toute rose. Alors mais... attention, parce que là, t'es en train de me dire ça, j'ai l'impression que tu regrettes pas, que tu prends plaisir à nous le dire. Et en fait, non, je regrette. Au début, je prenais plaisir, je vais pas le cacher. Et puis finalement, je me dis que j'ai pas été cool, parce que elle en a pleuré quand même, donc c'est pas très cool. C'est pas bien. Donc là je fais mon mea culpa sur Fun et je lui présenterai mes excuses tout à l'heure en arrivant au travail. Et bah tu sais quoi, faut t'avouer à moitié pardonner, c'est bien. Mais attends, je comprends pas, t'as dit que t'avais démissionné, tu retournes au train. Non, j'ai démissionné, je pars à la fin du mois, je rejoins mon conjoint qui habite à La Rochelle. D'accord, très bien, une belle région. On te fait des bisous Audrey. Il y a également Laura qui a appelé depuis Paris, qui voulait soulager sa conscience. Bonjour Laura. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Je remets la musique de tristesse. Qu'est-ce que tu as à nous avouer, Laura? Moi, j'avais décidé de refaire le parquet dans mon studio. Et du coup, ce qui s'est passé, j'ai 2 magasins. J'ai pris 10 paquets de parquet et le vendeur, il en a compté que 9. Donc, j'en ai payé que 9. Et j'ai un peu l'impression d'avoir volé parce que je lui ai pas dit. Ouais. Bah ouais, mais bon. Et tu t'en veux vraiment? Un peu, ouais, quand même. Parce que c'est la première fois que je le faisais et j'en sens pas. Moi, je t'explique. La dernière fois que je suis allé faire des courses et que je me suis rendu compte après avoir payé mon caddie que j'avais oublié de filer les surgelés qui étaient dans le sac de surgelés accroché derrière, je suis arrivé à ma caisse, j'étais content moi. Mais qui paye dans ces cas-là? C'est Leclerc, ils ont des assurances pertes et tout. Ah. C'est Edouard Leclerc. Ah, c'est Doudou. Ah, bah si, c'est Doudou, ça va. C'est Dédé. Ah, je crois que Doudou est décédé, hein, c'est son fils. Ah ouais. Ça. Oui. Laura, bon, ça fait du bien de le dire, ça va mieux en le disant. Oui, ça va bien mieux. Et tu vois, c'est l'essentiel. Moi, je te dis, c'est quoi ça? On peut le refaire de temps en temps. Voilà, les petits moments, vous avez un truc à dire à l'entête, vous le balancez. On te fait des bisous, Laura. Gros bisous. Et ce mètre carré de parquet-là, profites-en bien. Moi, je le dis vite, c'est moi, ma chérie, qui ai mis de la vodka dans le bac à eau du frigo. Je sais que tu t'es étouffé il y a 2 jours pendant la nuit et j'ai dit que c'était un pote, mais c'est moi. Pourquoi t'as fait ça? Je croyais que c'était drôle pour que les gens soient piégés quand ils viennent à la maison, quoi. Super. C'est pas drôle, non? Chainsmokers, ça arrive sur Fun Radio et le jeu des 30 secondes, là, juste après les news. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris, and this is my song. This

On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 8h34, c'est Fun Radio, les Chainsmokers. C'est ce qui arrive là dans quelques secondes. Nouveau Chainsmokers. Et là tout de suite, avant de jouer au jeu des 30 secondes, j'ai envie qu'on vous appelle. Si vous avez envoyé Bruno par SMS au 74 900, ou si vous êtes en Belgique, vous avez pu jouer aussi, hein, tous les matins, vous le savez. Vous pouvez vous aussi envoyer vos SMS. C'est au 63 22. Pour gagner tout au long de cette semaine un MacBook, un par jour. MacBook Retina, MacBook Pro. Ça vaut 2000 €, c'est un 13 pouces. Ouais, c'est le nec plus ultra de la crème de l'élite, de la cerise sur le gâteau en termes d'ordinateur, les amis. Tout à fait. Il n'y a rien qui se fait de mieux au-dessus, vraiment. Ouais, il y a le 15 pouces, mais c'est trop gros. Ouais, après, c'est gros. Non, celui-ci est bien. Celui-ci est vraiment c'est bien. Le mieux. On vous appelle en direct, bien sûr. À la différence des autres radios, on ne vous prévient pas avant. On aime bien que ce soit en live. Allô ? Allô ? Oui, allô, allô, allô. Comment tu t'appelles ? Lionel. Lionel ? T'es en direct sur Fun Radio, tu viens de gagner un MacBook Pro, mon pote. Ouais. Ah, c'est trop cool. Lionel, alors du coup, je le disais, voilà, personne t'a prévenu avant, on est d'accord. Tu viens d'avoir un coup de fil en direct là maintenant. Ouais. Je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Je suis conducteur d'engin et j'habite en Haute-Marne. D'accord, t'as quel âge ? 23 ans. Lionel, il vaut 2000 € cet ordinateur. Après, t'en fais ce que tu veux, nous on va te l'envoyer par Chronopost, tu l'auras chez toi demain, d'accord mon pote ? D'accord. MacBook Pro Retina, 13 pouces, valeur 2000 €. On t'embrasse, poteau. Je vous remercie, moi aussi, je vous embrasse. Belle journée, bisous, Lionel. Bisous, mon chou. Allez, 8h36. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Pour jouer avec nous ce matin, il y a Salomé, elle a 20 ans, elle est nantaise. Elle est étudiante en BTS médico-social. Pff, classe. Applaudissements pour Salomé. Comment ça va, Salomé ? Ça va, ça va. Oh, t'as l'air en pleine forme. T'as cours ce matin ou pas ? Ouais, j'ai 5 heures de CCF, contrôle en cours de formation. Je suis trop au top, là. T'attaques à quelle heure ? 9h. Enfin, en fait, je dois y être à 45, mais ça va le faire, ça va le faire. Ouais, on va faire ça vite, Salomé. Tu joues ce matin face à Mathis, il est là, 23 ans, il est toulousain, étudiant en école de commerce. Applaudissements pour Mathis. Ouais. Salut ! Salut Mathis ! Ça va Mathis ? Impeccable. On fait un petit comparatif, t'attaques avec quel cours toi ce matin ? Moi j'ai une présentation mais j'attaque à 1h donc ça va. Ah oui, bon, ça va. Tranquille. Ah, oui, tu m'étonnes, ouais. Ça, t'es en avance. Bon, et putain, et à 1h et t'es debout à 8h30, bah, je peux te dire que moi, à l'époque où j'étais étudiant, je restais au pieu jusqu'à 12h45. Bon, Mathis, Salomé, jeu des 30 secondes. Il va falloir choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Celui de vous deux qui a le plus de mots repart ce matin avec un kit PS4 à l'occasion de la Paris Games Week. Vous aurez la PS4 et le jeu The Last Guardian. D'accord ? Ouais. Alors, pour l'instant, je suis le champion en titre, parce que j'ai gagné hier, une victoire pour l'instant. Donc je rejoue, quoi qu'il arrive, ce matin, c'est la règle de cette année. Qui veut jouer avec moi, de vous deux ? C'est Salomé qui a répondu ? Mathis. Non, c'est Mathis. Non, c'est d'accord. Mathis, tu joues donc avec moi. D'accord. Qui joue avec Salomé ? Salomé, tu choisis qui ? Eliott. Oh, merci Salomé. De rien. On est chaud. Tu t'applaudis tout seul, toi. Non, c'est la motivation, genre. D'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit match, Bruno et Elliot. Ouais. Qui commence ? Oui, faut gagner. Bruno, tu vas commencer. Bruno, qui commence ? Très bien. Mathis. Parti. Est-ce que t'es prêt ? Toujours. Alors, il faut être en Bluetooth. Hein. Des fois, c'est sur des mots à la con. L'auditrice, elle a bloqué sur nuage. Mais ouais. Mais des fois, ça peut être des évidences. T'es prêt, mon pote ? Je suis parti. Top chrono, c'est parti. De l'eau, on la boit dans une ? Dans un verre, une bouteille ? Ouais, très bien. Au cinéma, tu vas voir des ? Films. Ouais, et donc le verbe, c'est ? Filmer. Très bien. Il y a le matin, le midi et le ? Soir. Ouais, et quand c'est féminin, c'est là ? Ouais, très bien. Après 4, il y a ? 5. Ouais, un cadeau, le verbe de donner un cadeau, c'est ? Offrir. Oui, très bien. La nuit, tu fais des ? Cauchemar, sommeil. Non, le contraire. Rêve. Le verbe. Oui, très bien. Les cheveux qui pendent sur ton visage, c'est une mèche. Bah, pas mal. C'est chaud. Combien j'ai fait ? 6 points, ouais. Très beau score. Oh, putain, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et Mathis, tu m'as fait plaisir. Là, tu m'as fait plaisir, vraiment. Salomé ? Oui ? Tu la sens la pression dans ton cou ? Bah, ouais, ça sent là. on y croit, Salomé, on lâche rien. Oui ? Allez. Elliot, t'es prêt ? Quand vous voulez. Top chrono. Alors, machin avec les stars, c'est une émission de TF1, ça s'appelle... Danse avec les stars. Ok. Après-midi, c'est soit midi, soit... Quand il y a 00... Ouais, voilà. Quand tu as des bagues, des colliers, c'est quoi? Des bijoux. Ouais, ok. Et la boutique, c'est... Une bijouterie. Ok. Quand tu te bats avec quelqu'un, on peut dire que c'est, enfin, c'est quoi le C1? Un sport de... Un sport de... De combat. Ok. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu en coupes la moitié et tu lui donnes. Tu... Un cadeau? Non, non, tu quoi? Tu partages? Ouais, partager. Ça fait combien? Partager. Ça fait 4. Moi, la plaque. Hein. Putain. Oh, Mathis, c'est gagné! Alors, on va vérifier un truc, mais quoi qu'il arrive, ça t'aurait donné qu'un point de plus, oui. Et c'était pas suffisant. Alors, mais sur midi et minuit, étymologiquement parlant, je suis pas persuadé que ce soit. Moi, je l'acceptais. Ça y est, on a déjà perdu. Faut que tu ramènes ta science pour mettre plus bactère. C'est nul. Mais bon, après tout, c'est Karina la juge, c'est elle qui décide. Mathis, à l'occasion de la Paris Games Week, tu repars avec ta PlayStation 4 et je rajoute le jeu vidéo. De Last Guardian, d'accord? C'est parfait, merci beaucoup. On t'embrasse, mon pote Salomé. Oui. Bon, tu rejoueras avec nous? Ouais, mais je suis triste là. On s'est bien battu, on s'est bien battu. On va t'offrir la compile Bruno dans la radio, d'accord? Ah, vous êtes trop chou. On te fait des bisous, ma chérie. Et dépêche-toi, t'as 5 minutes là pour aller à ton CCF. Oui, c'est vrai. C'est ça, voilà, là je vais courir là. Allez, cours, Forest, cours. Nouveau Chainsmokers, il s'appelle Closer, il est sur la compile, oui, lui aussi. Vous allez me dire, mais tous les tubes sont dans la compile, Bruno dans la radio? Oui, tous! Et donc, le nouveau Chainsmokers que vous écoutez maintenant, Closer, Bruno dans la radio, la compile, dans les bacs. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and Chainsmokers sur Fun Radio. Salut. Merci les gars. Important d'avoir des petits jingles des artistes qui font des jingles, je trouve c'est classe. Et ils parlent français? Bah bien sûr. Ah. Richard Orlinski. Eva Simons, ça va arriver là dans quelques secondes. J'imite bien aussi Eva Simons. Hi, this is Eva Simons with Bruno on Fun Radio. Ouais, wow. Ouais. Tiens, et d'ailleurs, petite branlette là, 2 secondes, mais enfin c'est quand même la Saint-Bruno aujourd'hui. Oui, oui, bonne fête Bruno. Non, mais ça vous me l'avez souhaité. Mais il y a des auditeurs donc qui me l'ont souhaité aussi, merci beaucoup. Même si c'est le hashtag Vachez Papa, c'est le plus important aujourd'hui avec un top tweet France. Mais en fait, on m'a envoyé, tu sais ce que t'achètes des fois dans les marchés, tu sais ton profil où ça met les Bruno sont tatati, tatata. Ah tatati. Oui, ouais. Et ben on m'en a envoyé un, je vais le lire à l'antenne dans 4 minutes et vous allez me dire si ça me correspond ou pas. Ok, d'accord. Et du coup à Fonf qui réalise cette émission et à tous les Bruno de France, d'accord? Ok. On revient après ça. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite.

C'est-à-dire qu'il faudrait le faire. Oh là là là là là là, la news vient de tomber. Et là, visiblement, je demande confirmation, mais l'équipe de jour, oui. Oh mon Dieu. Je vois l'équipe de jour qui vient d'arriver. Et au niveau de la naissance, rien de neuf. D'accord. C'est confirmé par l'AFP, oui, l'équipe de jour est arrivée. Eh bien, merci Donald, on vous retrouve tout à l'heure. Parce que sur BFM TV, il y a un journaliste qui s'appelle Donald. Ah oui, c'est vrai, ouais, il s'appelle Donald, celui qui fait le matin. Aujourd'hui, c'est la Saint-Bruno. Bonne fête à tous les Bruno. Enfin, ça se fête la veille, normalement, Bruno. Oui, oui, les fêtes, c'est la veille. Il y a des gens qui disent ça, ouais. Moi, c'est le jour. Moi, c'est jamais, parce que j'oublie les fêtes. Mais là, aujourd'hui, force est de constater que plein me la souhaitent, donc ça me fait plaisir. Alors, pour information, il y a exactement 210 570 Bruno en France et il y a 53 femmes qui portent le prénom de Bruno en France. Ah bon ? Je jure que c'est vrai. Eh ben, dont notre réalisateur. Il en manque 52. C'est ouf. Et alors, tu sais, il y a des auditeurs qui m'ont fait passer. À une époque, je sais que ça se faisait, tu sais, tu pouvais acheter des petits cadres avec ce qui correspondait à ton prénom. Oui. Et donc, il y a un auditeur qui me l'a envoyé, il m'a envoyé un truc, il l'a pris dans Elle. Donc, c'est, tu vois, c'est sur le site de Elle. Je vous lis mon profil, vous me dites si ça me correspond. D'accord. Alors, vas-y, d'accord. Okay. Carrément, la oui, musique. Oui, parce que ça commence par Bruno est chevaleresque. Ah, oui. Ouais. Il allie à merveille le charme et la puissance. Rien que ça, ouais. Ça va. En revanche, il n'est pas fin psychologue et a parfois du mal à comprendre les réactions humaines, principalement féminines. Il est doté d'une autorité naturelle et mène ses troupes sans être trop tyrannique. Mmh. Bruno est aussi un idéaliste qui souhaite accomplir de grandes choses pour rendre le monde meilleur. Ah, c'est sûr, tu m'as engagé, ouais. Il a une bonne opinion de lui-même et peut se montrer légèrement orgueilleux. Mais il est aussi courageux et honnête. Il respecte les plus faibles et n'hésite pas à prendre leur défense. Il aime les personnalités sans travers ni vices et ne supporte pas les mesquineries. Il est aussi assez timide, contrairement à ce que laisse penser sa carapace d'assurance et la force de son regard. Bah wow. Ça, franchement, ça te définit assez bien, je trouve. Hein. C'est tout bien, à fait toi, ouais. Complètement. Et alors, après, il y a le cœur. Le cœur, ah ouais. Et pour tes amours. Ouais, okay. Je vous dis ou pas? Vas-y, vas-y. Alors vas-y, attention, ouais. Pour les amours, attention, c'est pareil, on est sur un truc... Bruno ne voit pas toujours très bien ce qui se passe sous son nez. Si une femme cherche à le charmer, il vaut mieux qu'elle ne prenne pas trop de gants et qu'elle ne se montre pas timide. Oh oui. Une fois son attention captée, le natif peut être très romantique et affectueux. Attention à la jalousie. Bruno aime plaire et charmer. Il a toutefois des valeurs et son besoin de reconnaissance et d'attention s'arrête s'il s'aperçoit qu'il risque de blesser son amoureuse. Bruno est en réalité assez romantique et il cherche la femme parfaite, celle de ses rêves, et pourra même se montrer très possessif lorsqu'il l'aura trouvée. Bah c'est wow. Vrai, c'est toi. Hein. Et ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie ? Il est du genre à penser qu'un geste sincère vaut mieux qu'une longue discussion. ça fait 15 ans. Et ça fait 15 ans que toutes les semaines tu lui envoies des fleurs. Ça si fait 15 ans, pas. Putain, c'est un budget en fait. Hein. Bah ouais, hein. T'as raison, et putain merde, ça m'a coûté une blinde cette connerie. 8h52, et Fonf, alors parce qu'on n'a pas dit pour Fonf. Moi j'ai l'impression que je pue dans cette émission, donc on va écouter Eva Simons. C'est quoi ? Et je te trouve chevaleresque. Ah merci. Tu es mon beau chevalier. Allez. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. My Bienvenue sur Fun Radio, il est 8h55. Le JPI sur Fun Radio. Fun Radio, c'est l'heure du JPI, le journal porn image, le faux journal de l'émission. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Quand les volcans d'Auvergne étaient enfants, ils riaient très fort. People, la chanteuse Lam s'est exprimée au sujet du vol de bijoux de Kim Kardashian en demandant aux voleurs d'investir dans son nouvel album avec l'argent du butin. Comme quoi, elle peut aussi faire la manche sur Internet. Télévision, ce soir TF1 lance une nouvelle série avec un robot qui travaille dans un commissariat. Pendant que les policiers boiront de la bière, le robot boira de l'huile de vidange. Depuis les attentats et maintenant l'agression de Kim Kardashian, la ville de Paris fait peur aux touristes américains. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je me promène justement dans les rues de Paris. Ah, c'est vrai que c'est flippant. Qu'est-ce qui se passe, Anthony ? Une agression ? Non, je viens de croiser la vitrine d'un magasin Desigual. C'est vraiment super flippant. Ouais, détournez le regard, Anthony, hein, c'est dangereux. Et pour finir, si vous aimez les jurés d'incroyables talents et les parcs d'attractions, découvrez Kamel Walibi. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. Alors, faut que j'explique à Fonf qui réalise cette émission, mais la vanne sur le début, les volcans d'Auvergne, c'était une pub pour Volvic à l'époque. Bah oui, ah ouais, bah, j'avais rien compris. Faut la connaître. C'est pas grave. Ouais. Moi non plus, rien compris. Ouais, bah, je me dis qu'on est passé un peu à côté, en fait. Voici Major Lazer, Coldwater, c'est sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Coldwater sur Fun Radio. Vous restez ici, il y a le top 3 d'Eliott qui arrive dans quelques secondes, les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott. Puis on fera un dernier breaking news, va chez papa quand même. Ce soir, 20h, 22h. C'est Love in Fun avec Doc, Karel et Alice. On passe quand même 7 ans de notre vie à attendre le sommeil. Bonsoir Maxime. Bonsoir. T'as du mal à dormir toi? Quelquefois j'arrive pas à dormir et je fais le poirier. À 22h. Le Night Show avec Marion et Anso. Lucie, est-ce qu'on peut deviner ta phobie? Est-ce que c'est devinable? Oui. Alors, est-ce que c'est un animal? Non. À l'indice. C'est orange. Ah ben, à l'orange? Ouais. Fun Radio. Qui habille, colore la vie.

Première diffusion française de Calvin Harris. C'était sur Fun Radio. Une belle demi-heure qui s'annonce, les amis. Mais pour l'instant, rapidement, un point naissance, puisque un nouveau bébé Bruno dans la radio va arriver normalement d'ici quelques heures, voire quelques minutes. Bon, je pense qu'on est plus sur quelques heures. Point naissance, puisque Vacher n'est pas là ce matin, et pour cause. Petit message à 4h15 du matin, il nous prévenait qu'il partait à la clinique. Oui. On l'a eu en direct à 6h du matin. À 6h du matin, des premiers cris, mais de sa femme. Ça sera dans le top 3, on va voilà, l'entendre. Se sont fait ressentir, et donc là, on sait qu'il y a eu la péridurale de poser. Ouais. Et que normalement la personne est en salle de travail. Voilà, les sages-femmes en fait lui ont conseillé de se reposer avant le grand saut, avant l'accouchement, parce qu'elle a pas du tout dormi de la nuit, la femme de Vacher. Ouais. Il a dit qu'il fallait éviter de l'appeler. Ce que je peux comprendre, c'est normal, il est à la clinique. Faut pas l'appeler. C'est compliqué, il est en salle de naissance. Relou. Il y a les sages-femmes qui viennent toutes les 5 minutes en plus. En plus, si sa femme dort et que le portable est pas sur silence. Non, non, non. Et puis moi, donc, en plus, quand on me dit de pas le faire, tu sais que je fais pas. Non, non. En plus, la naissance, c'est pas un truc que t'as envie vraiment de partager à la radio, tu vois, je pense. Ah, il est fort de décrocher. Franchement, t'es fort, mon Vacher. Vous m'appelez juste après un moment rigolo. Qu'est-ce ah bon, quoi c'est quoi s'est passé? Alors, vous imaginez une fête foraine. Ouais. Où le but, c'est de crever un ballon. Ouais. Ouais, c'est ce qu'a fait un peu. Non, c'est vrai. C'est ce que. Pardon, il y a ma femme qui dit, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'a fait l'infirmière, il fallait percer la poche des os. Ouais. Donc elle a pris un truc et puis elle a, ça fait paf. Non, c'est pas vrai, ça a pas fait ce bruit-là. Mais c'est pour accélérer le travail, voilà, parce que le bébé arrivait pas à percer la poche des os. Ouais. Il est déjà fini, voilà. Il est pas sorti, il commence déjà à finir ça un peu, quoi. Et ouais, c'est déjà, bien il rate ce qu'il entreprend, putain, ça, c'est vraiment mon fils. C'est génial. C'est énorme. Mais là, non, c'est cool, ça commence à approcher. Alors, apparemment, ça peut arriver dans une heure comme fin d'après-midi, quoi. Ça d'accord. Dépend. Bon, et interrompons quand même à ta chérie. Elle est dans quel délire, Mariana? Ben, elle, ça va. Là, elle est en train de râler parce qu'il y a un ordinateur qui fait du bruit. Donc, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui fait bip, qui dit 99 et qui clignote. Bon. C'est pour son rythme cardiaque. C'est monitoring. Tu peux coller le téléphone à son oreille qu'on lui fasse un bisou? Oui, bien sûr, je vous la passe. Tu vas te prendre une claque, mon vieux. Peut-être. On va voir. Allô ? Mariana. Oh, bonjour, Mariana. La France est derrière. Bonjour. La France est derrière toi, Mariana. Ça va, tu te sens bien ? Ça va, tout est bien ? Tu te sens bien ? Bah oui, voilà. Enfin, oui, j'ai eu la péridurale, donc ça va. Ça va très bien. Bon, écoute, je tiens à te dire que depuis ce matin. Oui. Ta grossesse enflamme Twitter. La France entière est derrière toi. C'est plus important que les élections présidentielles. Mon Dieu. C'est génial. On t'embrasse, Mariana. Allez, courage. N'oublie pas, Mariana, oui. Que des fois, en poussant, ça arrive. Oh non, c'est sûr. On te fait des bisous, Mariana. Bisous. Gros bisous à tous les deux. Ah, c'est génial. Moi, que ça angoisse d'avoir une Mariana. Je l'imagine genre à moitié à poil là sur le lit avec dans les baudriers. Calme-toi. Non, mais tu sais, c'est à la cool la salle de naissance. Hein. Ah bon. Ouais. Vacher. Ouais. On pense à toi, frérot. Vous lui avez dit des trucs dégueulasses ou quoi? Non, il y a Elliot qui disait qu'il était excitant en imaginant ta femme à moitié nue sur la table d'accouchement. Mais ok, tout est normal, ça. Tout est normal. Vacher, okay, j'embrasse des choses. Ouais, voilà. Je t'embrasse, mon Vachouille, je t'aime. Ok. Donc tu sais toujours pas faire des phrases même quand je suis pas là. Ouais, désolé, mon On t'embrasse, Vacher. Gros bisous. Bisous. Ciao. Bon, normalement, demain, on est un de plus. Ah bah, c'est ça. Et puis surtout, il vient de vivre sa dernière nuit normale. C'est vrai. Ça y est, c'est terminé maintenant. Je crois que cette nuit, il ne l'a pas passé normal déjà. Donc ça, c'était fini déjà depuis avant-hier. Allez, top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top gracias mucho. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. Numéro 3. Et on commence avec un extrait du Vacher Time. Il a joué au jeu du répétage aujourd'hui, écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. C'est pour la table basse? Oui, bonjour. C'est pour la table basse? Sur le bon coin, il y a une table basse à vendre, c'est ça? C'est sur le bon coin, il y a une table basse à vendre, c'est ça? Vous avez que ça à foutre? Bah, c'est une manière de nous parler. C'est un problème ou quoi? Il y a un manque de respect total. Merci. Au revoir. Bah, c'est une manière de nous parler? T'as un problème ou quoi, toi? Ça manque de respect de toi. Merci, au revoir. Pauvre naze. Rentre chez toi, gros bléant. Même quand il est pas là, il arrive à être bon. J'adore. Il est fort. Numéro 2. Numéro 2, on s'est refait un moment Thug Life aujourd'hui. On a fait les Kaira, écoutez. Week-end dernier, en soirée, une fille qui se croyait trop fraîche. Et là, je vais la voir, je dis, toi, t'as l'air d'être une vraie tigresse. Du coup, elle s'est un peu gênée. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce que t'as de la moustache. Moi, le dernier que j'ai fait, écoute, c'était un truc con, mais c'est un mec qui, tu sais, il y a un truc qui m'énerve, c'est les scooters ou les motos qui se garent sur des places de parking voiture. Ah ouais. D'accord. Et donc la dernière fois, je me suis garé, le mec a pas pu sortir sa bécane. C'était genre les grosses Goldwing, là, tu sais, les motos là gigantesques. Je me suis collé, mais vraiment pile collé à sa roue. Le mec, je suis revenu après, il était câblot. Ça marche pas, Bruno. Tu l'as pas raconté. Mais avec ouais. La voix de tête. Attends, là, tu fais pas peur et tout. Moi, je m'en fous avec ta moto là. Ouais, c'est vrai. Tu sais quoi? Je crois que j'ai passé l'âge d'être thug. Oh non, on a perdu un compère. Je vais faire un tatouage en ton honneur, frère. Quand t'es thug, tu dis compère, moi. Bien sûr. Peut-être pas, ouais. Oh, le mot compère. Le thug compère. Numéro 1. Numéro 1, c'est Vaché qu'on a eu au téléphone à 6h et j'ai pas pu résister à l'envie de vous remettre le Vaché stressé. Est-ce qu'on peut savoir où tu te trouves? Comment ça se passe? On veut tout savoir. Alors, je suis dans une salle de préparation, ça s'appelle, je crois, à la naissance. Ouais. Il y a une baignoire, donc il y a ma femme qui était dedans. Elle a plein de contractions. Là, par exemple, en ce moment, elle a une contraction. Donc, je vais m'éloigner d'elle parce que j'ai l'impression qu'elle peut m'en foutre à tout moment. Ouais. Je dois m'occuper d'elle comme un bébé pour l'instant. Je dois l'essuyer, là, parce qu'elle vient de sortir du bain. Attention, je précise. Ouais. Donc, elle est mouillée, donc voilà, là, je vais l'essuyer, je vais l'amener aux toilettes. Ouais. Et puis après, on va lui faire reprendre un bain, si elle est d'accord. Et madame Rodriguez. D'accord. Bon, et c'est pour aujourd'hui, Vaché, ou pas? T'as plus de détails? Ah ben là oui, je pense, hein. On est dans une salle de naissance, ils l'ont étiqueté, elle a un bracelet, elle a la perfusion de poser. Les contractions sont vraiment vraiment fortes, quoi. Il y a un bébé qui va sortir apparemment. Vaché, je voudrais saluer cette classe de faire naître ton fils le jour de la Saint-Bruno. Lèche-cul jusqu'au bout, hein. T'auras vu. C'est vrai qu'il est lèche-cul de compétition. Ouais, et j'avoue. Tout ça pour qu'on se souvienne de sa date d'anniversaire, c'est énorme. Les amis, on revient demain. Gloire au Châtelain! Gloire au Châtelain! Bonjour la famille! On a pensé à toi ce matin, on a une auditrice qui faisait du cheval. J'ai vu Lucie, elle s'appelait. Elle s'appelait Lucie. Ah bah j'étais fier. Elle fait partie de ta secte. Ouais! De ta secte des chevaux. Non mais t'as vu, on a créé quand même un ralliement, une communauté. Ouais, non, t'as remarqué? Moi, j'ai rien contre les gens qui font du cheval, attention. Parce que t'as les auditeurs qui viennent le matin vous voir, ils font du cheval. Maintenant tu payes des factures de gens qui font du cheval. Eh, hey, tu sens un peu le. Ça monte là! Ouais, factures de gens qui mangeaient du cheval aussi. Ah voilà! Bon, Mika vous accompagne jusqu'à midi. Tout ce qui s'est passé ce matin, vous pouvez le retrouver en podcast. Bien entendu, il y a l'application Bruno dans la radio. Elle est gratuite. Vous avez également la page Facebook de l'émission, facebook.com/Bruno dans la radio, où on met le petit résumé en vidéo de l'émission de ce matin. Je le dis, je le redis et je le re-redis. Aucune page de l'émission, que ce soit sur Facebook, que ce soit de compte Twitter, que ce soit Snapchat ou encore Instagram, aucune page Fun Radio, Bruno dans la radio, ne vous permet de gagner des téléphones portables. Non. Par dizaines, voire par centaines, en vous demandant de composer un numéro téléphonique. C'est une arnaque que nous avons dénoncée. Bon, tous les jours on la dénonce, les pages sont supprimées, mais il y en a d'autres qui se créent. Donc voilà, nous n'offrons rien par ce biais-là. Et les comptes officiels sont indiqués en général avec une petite pastille bleue sur le côté. Les autres, ce sont des faux. Comme ça, vous savez tout. T'as pas de compte pirate encore, Mika? Non, pas encore. On va t'en faire un. D'accord, vas-y, fais ça. Ça peut me chauffer. Ouais. Avec de la viande de cheval. En, okay. On offrira des barquettes de viande de cheval. Mais là, la communauté cheval, je vais la perdre. Allez, alors, à demain, la famille. Bisous. Ciao. Voici The Parakeet. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. Me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down.